Indestar. Bienvenue à tout le monde, il est 21h, vous êtes avec les PK Avengers sur Indestar. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Exactement, les PK Avengers, le jeudi de 21h à 23h, avec toujours Antoine, Gaylan, moi-même et Jolan. Bonsoir. Et aussi Ismaël. Bonsoir tout le monde. On va commencer bonsoir. Par toi. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Alors, raconte-nous un peu ta vie. Ma vie? Pas trop. Un petit peu. J'aurais dit autre chose, mais c'est pas grave, je vais pas le dire. Si, vas-y, qu'est-ce que t'aurais envie de dire? Bon, elle est née en 1985. T'es née en 85? Non, du tout. Non, par contre, il y a un truc intéressant à dire sur toi. Tu es l'un des deux fondateurs de cette émission. De base, vous avez créé ce projet avec Clément. Oui, c'est vrai. Et après, quand je suis parti, parce que je me suis barré comme un juif d'Indestar, voilà pour faire. Excusez-moi, les juifs qui nous écoutent. On va être catégorisé explicite, c'est sûr. Sur Spotify, ouais. Non, mais oui, alors j'étais à l'idée de créer une émission geek sur la radio. Et puis, en fait, je me suis barré sur une autre radio parce que j'ai trouvé un taf. Où j'ai démissionné d'ailleurs, parce que c'était chiant à mourir. Ah. Et je suis revenu là, après qu'on m'ait volé l'idée de projet, mais en m'ayant demandé gentiment. Est-ce qu'on peut te voler ton projet? Bon bah ok hein. Non merci. Ouais je comprends. Et du coup tu es de retour sur Indestar. Voilà et du coup je reprends ma place de droit, et c'est pour ça que je ne viendrai que très peu souvent. Mais du coup en ce moment tu fais tu cherches du travail? Je fais rien, c'est plutôt ça. Ouais, je geek, je suis un PK Avenger, voilà, ça veut dire 100%. Ça veut pas dire rien faire, ça. On sait tous dans cette émission que ça veut pas dire rien faire. Geeker, c'est très important dans la vie. Ouais. Les autres n'ont pas l'air d'accord, ils sont là, c'est un geek. Tout le monde est d'accord, sauf peut-être Gaylan à la rigueur. Bonjour Gaylan. Bonsoir Teddy. Alors Gaylan, c'est pas le geek dans l'âme. Ah non. Gaylan, je joue un peu. Ah, un peu. Tu joues à quoi, ça principalement? Bah il joue à Clash of Clans, par exemple, sur son téléphone. C'est un geek de Clash of Clans, voilà. Oui, aussi. Non, Uncharted, GTA. Ah bah quand même. Et le Spider-Man. Voilà. Et sinon dans la vie toi tu es à l'ESCAT. C'est si ça. Si je me trompe pas. Donc une école de cinéma à Tours. Oui. Où tu fais du cinéma. j'apprends une base. Oui. Bon, et tu voudrais être monteur. C'est, enfin, c'est le montage qui t'intéresse. En plus ouais. Voilà. Et toi tu nous présentes souvent des films. Aussi, ouais. Dans PK Avenger. Encore on se demande bien pourquoi. C'est dingue, hein, tout est lié, mais il est assez calé sur les films et tout. C'est notre expert. Merci. Voilà. Nous avons Antoine aussi. Bonjour Antoine. Bonsoir Teddy. Oui. Alors, bon, je sais pas si on te présente encore. si, on va te présenter. Alors, Antoine, toi tu fais quoi dans la vie? Moi je fais du ménage. Du ménage, ça arrive. Bonjour, mais tu joues aussi. Ménage. Tu joues aussi. Un petit peu, ouais. Là, je... Ah oui, sinon tu serais pas avec Avenger, moi. J'ai racheté un jeu sur Xbox 360 qui était sorti sur PS2. Ah ouais? C'était Need for Speed Most Fastened. Ouh. Ah. Le premier, hein, parce qu'il y en a eu deux. D'accord. Ah oui. Ouais, 360, PS2, on remonte à loin déjà. Ouais. Ça te remonte des souvenirs, j'imagine. Ah ouais. La 360, pas autant que ça au final. Parce que c'était juste avant la. Ouais. Alors que la PS2, bah, la PS3 avant quand même. Ouais. Oui, bah, PS3, 360, ça va ensemble, c'est les mêmes générations. Voilà, c'est ça. Avec un an d'écart, je crois, un truc comme ça. Oui, ou bah, 6 oui, mois, oui. Comme d'habitude. Hein. Comme la petite guéguerre. On aura la Scarlett qui va sortir et la PS5. Je sais pas quand. T'as vu la gueule de la PS5, ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai vu, elle est creusée. On dirait des chiottes. On dirait des chiottes turques, le truc. Sérieux, attends, le design est déjà sorti ou alors? Ouais, il y a eu un. Il y a un peu de design déjà de sortie. Ouais, tu peux aller regarder sur internet, mais. Il est dégueulasse. Tu vas pleurer. Du coup, tu vas passer sur Xbox l'année prochaine, tu vas être content. Non, je vais rester sur PS4. Sur Switch, Xbox One, c'est la base, en vrai. C'est mieux. C'est pour ceux qui sont pauvres comme moi. D'ailleurs, Jolan. Toi, tu vas bien déjà? Pourquoi? Oui, ça va très bien. Enfin, je suis malade, mais ça va. T'as eu des nouvelles du tribunal? Pas du tribunal, je suis passé devant la. Comment on appelle ça? La maison. Des arrêts de justice, je crois. La maison de correction? Je sais pas, hein. Ouais, gros, voilà, c'est maison de correction. C'est eux qui donnent les sentences? C'est eux qui donnent les lois. Il a pris les 10 coups de fouet. Les... Non, mais non. En fait, en gros. C'était que 10 coups de fouet. C'est un passage, genre si je me refais rattraper pour la même connerie, je passe au tribunal, par contre. C'était pour ça que t'avais plus de permis. C'était juste un avertissement. Là, j'ai une suspension de permis de 3 mois. Et puis, je vais devoir payer 450 € d'amende. Je vais avoir 6 points qui vont sauter sur le permis. Puis, donc, en gros, ils t'ont pas totalement sucré ton permis. Non. Mais du coup, ce qui est bien, mon casier reste vierge. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ah, du coup, le X au volant est autorisé, mais sous certaines conditions, quoi. Bah, je me refais choper, par contre, le casier, bah, il sera plus bien, du coup. Mais ça risque, coup, pas de... ça risque pas de se reproduire. J'ai compris la leçon. Du coup, il ne sort plus du tout de chez lui. Non, mais... c'est ça. Bah, il est en prison chez lui, ça lui va. Même à pied, il a du mal. Non, bah, je passe pas. Passage piéton ou pas, je fais. C'est une bêtise à ne pas faire, surtout. Voilà. Oui, je te confirme. Voilà. Bah moi, hier j'ai fini un jeu. C'est le jeu que je vais vous présenter ce soir. Ouais. Il s'appelle Chronos. Alors, je peux le dire, de toute façon, vous savez pas ce que c'est. Donc, voilà, Chronos. Ça a l'air pas ouf déjà. C'est vrai que ça a pas l'air ouf comme ça. Mais bon, pour les fans d'Advance Wars, si vous connaissez, bah. Attendez la rubrique, vous verrez bien. Voilà. Sinon, je fais des pizzas aussi cet après. Ouais, c'est délicieux. Ouais, j'ai fait des pizzas, ouais. Du coup, vous en pensez quoi? Bah, tu devrais ouvrir un resto. Ah. Non, un food truck. Ouais, mais. Un food truck, ouais. Je le préfère quand même en pâtissier et boulanger. Bon, c'est gentil. Tu vas avoir une promotion à la fin de l'émission. Ah, je sais pas. Hein. Tu vas avoir une petite gâterie. C'est vrai qu'il lâche bien les. Ah, j'aime les boules de coco. Je vais te faire un petit baba au rhum. Un petit dada au rhum. Excellent. Et on n'a pas Marguerite aussi ce soir. Ouais. Non, elle est au conservatoire. Ça s'entend dans. On entend une voix féminine, ouais, d'habitude. Il manque là... une présence. Bah non, on a la tienne maintenant. T'es dit. Alors maintenant, vous allez m'entendre parler comme ça. Ça va être horrible. Alors, ça, c'est le mec qui s'est pris un coup de pied dans les couilles. C'est ce qu'on appelle un nénuque. C'est un mec qui a rencontré Marguerite, tout simplement. Bonjour, Paris. Non, on va pas parler de ça aujourd'hui. Non. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors c'est toi, Jolaine, qui va ouvrir le bal. Oui. J'ai failli dire le bar, mais bon. Je peux aussi ouvrir le bar. Tu peux ouvrir le bar, ça va être pas mal. Il y a des pintes au frais et tout, si tu veux. Je voudrais un triple whisky. Ok. Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Oui, oui, bien sûr. N'oubliez pas Sam, c'est surtout pas. Charlie. C'est vrai que Sam, c'est pas Charlie. Non, parce que Charlie, il est où? On sait pas. Faites attention au volant, ne buvez pas d'alcool quand vous conduisez, évidemment. Jolan peut en témoigner. Donc, voilà, évitez ce genre de truc. Bon, si on passait à la suite. Ah, mais ton histoire, Jolan, au volant, elle est passionnante, c'est pour ça. La suite, c'est toi, en plus. Oui. C'est encore toi. C'est toi qui vas nous présenter un jeu que... j'irais même qu'on présente même plus, hein, oui, tout le monde connaît, même les non-joueurs. League of Legends. Bon, on l'a déjà entendu. Vous c'est quoi nom, LOL. C'est LOL. Lot of Love. Voilà. Quoi? J'essaie de faire les traductions. LOL, Lot of Love. Moi, je connais pas League of Legends. C'est quoi? LOL. Je sais pas, on me dit LOL, c'est mort de rire, quoi. Ah oui, non, oui, ah, oui. Ah oui, non, c'est l'abrégé de League of Legends. Ouais, c'est ça. Le jeu. C'est 10 minutes. Alors, moi aussi, je connais plus le LOL. LOL. Ouais, genre avec le smiley et tout derrière. Voilà. Mais sinon, le jeu, ouais, en abrégé, il s'appelle. Bah, LOL. Tu sais qu'avec Jeanne, t'es qu'on se réveillait le matin, charmant. Quand j'étais chez moi, il était chez lui, hein. Attends. C'est dingue parce que. Donc déjà, vous dormez ensemble. Non. C'est dingue parce que moi aussi, je me réveille le matin. Coming out sur une star. Quand je me réveille. C'est vrai que si tu te réveilles pas, il y a vraiment un problème. Je me réveille. C'est que t'es dead, mon pote. Attends. Avant de nous en parler, on va écouter une musique. Voilà. Alors, on va écouter Are You My Villain. Oula. I love your accent, my French friend. Jake, si tu écoutes cette émission, est-ce que tu valides l'accent de Are you my villain? My franglais, it's perfect. Ah, mais c'est de Gifla, c'est une coréenne en plus qui chante et elle chante en anglais. Tu connais Gifla? Ouais, elle fait plein de trucs super. C'est une, elle fait des représentations. Je veux pas le dire. Mais... La meuf, elle a plus de vues des fois que les chansons d'Ed Sheeran. Ah ouais? Et elle a fait des reprises d'Ed Sheeran. Ah, et ça, c'est pas une reprise. Ed Sheeran. Et puis elle est bonne. Enfin, elle est jolie. Elle est bonne. C'est pour ça que tu l'as connue. C'était un calique. Utilisable dans les deux sens. Et bah, on va écouter Gifla. Alors. De 21h à 23h le jeudi sur Indestar, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement, et on vient d'écouter Gifla et ça s'écoute plutôt bien. Oui. Ça s'écoute plutôt bien. En fait, c'était une originale. Je vous ai dit qu'elle fait beaucoup de reprises. Mais Théo, le grand chef et directeur artistique de cette radio, le saint patron qui aime faire passer les notre gens grand au bureau. Seigneur. voilà, notre grand seigneur. Mais il veut qu'on l'appelle maître. Hein. Oh, la réputation que tu lui donnes. Bah non, mais autant dire les choses telles qu'elles sont. Soyons honnêtes. Voilà, Théo, si tu nous écoutes. T'es sûr qu'il va rester longtemps. J'aime bien. T'inquiète. C'est notre dieu. Donc du coup, c'était une originale. Hein. Alors. Là, c'est le moment. On va pas parler de ça. Non. Non, ce n'est pas le. Après, après 23 heures, vous pouvez. Ouais. Oh non, même avant. Oh attends, quand même. Non, là on va parler de d'un jeu de légende. Ouais, ouais. Une ligue de légende en Une français. Une ligue de légende, effectivement. Ouais. On va parler de League of Legends. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur League of Legends? Bah, on peut dire que le jeu déjà il a été créé. Non, c'était de l'ironie, ça veut dire qu'il y en a beaucoup à dire. Oui, il y en a beaucoup à dire. Le jeu a été créé le 7 octobre 2008 et il est sorti officiellement le 27 octobre 2009. Voilà, donc il y a eu un an d'écart quand même. Ouais. Et puis, ce qu'on peut dire dans League of Legends, c'est que c'est tellement varié que je ne sais pas trop par où commencer. C'est quoi le concept du jeu? En fait, le concept du jeu, en fait, en gros, t'as plusieurs modes. T'as la faille de l'invocateur où t'es en 5 contre 5. Donc, chaque champion a une spécificité. Tu peux avoir le mage, tu peux avoir le guerrier. Enfin, tu vois. Les codes classiques des MMORPG. Voilà. C'est pas un MMO. C'est un MOBA. Oui, MOBA, voilà, je cherchais le mot. Et je ne pourrais pas dire ce que c'est parce que. C'est quoi? Attends, je crois que. Si t'as la définition, je suis preneur parce que je connais pas. Je check, mais je suis pas sûr d'avoir la définition. Non, c'est pas je crois grave. Pas que je crois que MOBA ça doit être multiplayer, quelque chose. Ah, non, j'ai pas la... tu vas nous expliquer ce que c'est exactement LOL de toute façon. Ouais, et puis en fait, moi c'est un jeu qui est vachement connu, hein, mondialement bien sûr. Ah bah oui. Donc je disais, ouais, on est. Y a le mode classique de League of Legends, c'est la faille de l'invocateur, donc on est en 5 contre 5. On joue contre des joueurs en ligne du coup. Contre d'autres joueurs, ouais. Voilà. C'est un jeu purement multi. Voilà, il faut aimer jouer en multijoueur. C'est que du PVP, mais aussi du PVE. Ouais, ouais voilà. Tu peux jouer contre des bots. Le PVE, ouais. c'est moins cool. Non. Parce que les bots sont pas aussi intéressants qu'un humain. Voilà, c'est ça. Parce que l'être humain peut faire des erreurs et le bot, ça dépend du niveau que tu lui mets. Ah, donc il peut être si fort que ça, le bot. Bah, ça dépend. Si tu le feed trop, ouais, si tu lui donnes trop à manger, ça fait un gargasse. On joue sur PC ? On joue sur PC. Alors, oui, à préciser, oui, c'est un jeu entièrement sur PC. Seulement sur PC, ouais. Je crois qu'on pouvait jouer ça sur mobile. Bah, oui, ils existent aussi. Alors, ça serait pas étonnant, tu vois. Je pensais, alors, si tu vois dans ma tête. Je te laisse le dire si tu veux. Petite parenthèse en fait, ouais, League of Legends, ça fait 10 ans que c'est sorti. Et ça fait des années que les joueurs, dont moi et peut-être Jolan aussi, vu qu'il nous en parle, ont réclamé justement d'autres jeux à base de l'univers de League of Legends, donc peut-être un FPS, etc. Et tout ça, c'est prévu là pour les années qui vont arriver. Donc ils vont sortir le jeu en version mobile. Il sera un petit peu différent, les parties seront moins longues, mais t'auras tout, quasiment tout en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Sera l'univers regroupé en jeu mobile. Quoi. C'est ça, ouais. Compacté, ouais. Parce que forcément, le téléphone, ouais. C'est pas le PC non plus. C'est ça. Bon, revenons à la faille de l'invocateur. En fait, tu as plusieurs postes. Il faut que j'arrive à être clair parce qu'il y a des termes assez techniques quand même. Je sais pas si les auditeurs vont comprendre. Parle en langage crétin, ça marche toujours. J'ai parlé en langage English, je pense que les gens vont comprendre. Alors, t'as le bot, c'est le. Alors, l'ordinateur. Non, t'as la partie droite de la lane. C'est le bot side. C'est gros la ligne du bas. La ligne du bas. T'as le midliner, c'est la ligne du milieu. Et t'as le top liner, c'est la ligne d'arrivée. Du tout. Voilà. Top, haut, mid, milieu, etc. C'est ça. Donc, t'as trois lignes. En fonction de ces trois lignes, chaque poste est différent. Et aussi, j'ai pas précisé, t'as le jungler parce que t'as une jungle. La jungle. Et t'as des personnages qui sont spécifiques à ce monde-là. Tu peux pas prendre un guerrier, tu vas pas le foutre en jungle parce que sinon il va se faire laver. Ouais, pourquoi pas? Bah, j'ai déjà essayé avec Garen. Ça passe avec Garen, je le joue des fois en train. Ah ouais, sérieux? Oui, moi, je t'apprendrai. Aussi, j'ai joué à quelques parties de LoL, je prenais toujours Garen. ouais, mais en fait, le but c'est de. Si vous voulez, c'est d'aller dans la base ennemie. De détruire les tourelles parce que t'as des tourelles à détruire, t'as des sbires aussi à tuer. Les sbires, ils sont produits automatiquement, si les sbires, ils sont produits automatiquement. En fait, il y a une vague toutes les 30 secondes à partir d'une minute 30 de jeu. Ouais. Et en fait, en tuant ces sbires, ce que j'ai pas précisé, c'est que tu gagnes des gold et les gold te permettent d'acheter du stuff. Donc le stuff, c'est-à-dire les armures, enfin les dégâts supplémentaires que tu peux rajouter à ton personnage. Et c'est assez complexe selon les personnages que tu prends. D'accord. Faut faire attention à pas prendre le mauvais stuff parce que sinon tu vas être en retard par rapport à l'autre adversaire. Si je comprends bien, de chaque côté t'as les 5 joueurs, tu dois avoir des lignes sur le truc, t'as la jungle entre les deux. C'est ça. Les 5 persos, enfin les 5 joueurs, ils ont chacun un personnage. De la team adverse s'affrontent. Ouais. Chacun a un personnage. Ils doivent aller tous de l'autre côté manger les tours de l'autre, on va dire. Et ils doivent aller détruire le nexus de la base ennemie, donc c'est le cœur de la base ennemie. D'accord. Et avec ça, ils ont des petits sbires qui les aident. C'est ça. Et tout ça. Une fois que tu arrives à atteindre ce cœur-là, tu wins la partie. D'accord. Mais c'est assez technique. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. D'ailleurs, je suis encore très mauvais. Ah, c'est de la stratégie. Hein. Sur, c'est de la stratégie. C'est un jeu de tactique. Faut surtout, c'est avoir la vision de jeu. On a parlé à Ismaël en off. Moi, ça fait 3 ans que j'y joue. J'ai encore du mal avec la vision de jeu. Bah, je sais pas si vous connaissez le terme brouillard de guerre dans les jeux vidéo. Si. Tu vois pas tout en fait. J'en ai entendu parler. En fait, t'as une map et en fait, la map elle est toute noire. Et en fait, tu vois que la zone autour de ton personnage. Voilà, c'est ça. Donc le brouillard de guerre, c'est tout ce que tu ne vois pas. Qui n'est pas à portée de ton personnage. Voilà, donc en fait, forcément. Ça reprend un peu comme si dans la réalité t'étais dehors, tu vois pas derrière toi, donc t'auras pas l'éclairage derrière toi, tu sauras pas qu'il y a un ennemi derrière toi. Ouais. Ça reprend vraiment la vision de ton personnage qui voit autour. Ouais, okay. Mais dans le jeu t'es au-dessus. Oui. Alors sur donc les autres zones, on est au-dessus, donc on voit à 360 autour, mais ouais. C'est des petites zones. Donc quand c'est tu te déplaces, si tu vas dans un buisson avec des hautes herbes, bah le gars il peut être caché dedans, mais tu vois pas à travers. Donc faut mettre de la vision, donc ça peut être poser une balise qui te rajoute de la vision. Mmh. Voilà, c'est ça un petit peu. Il faut vraiment placer les balises au bon endroit pour avoir la vision. Puis ce qui est très important aussi quand on joue en équipe dans le jeu, c'est de signaler la présence d'un ennemi. Ou genre par exemple, t'es au bot et il y a des ennemis qui descendent sur ta lane. Tu dis attention SS, en anglais, ça veut dire attention, ça descend sur ta ligne. Du coup, on peut anticiper derrière et pas se faire avoir. C'est quoi la graine ? Comment ? La graine. Bah, je sais pas, t'as parlé de graine. Non, il a dit SS. Non, j'ai dit SS. Ah, comme SS, dans l'armée d'Hitler. C'est ça. Non, excusez-moi, c'était une mauvaise joke. Oh, attends, alors c'est ça votre truc pour. Non, c'est un jeu nazi. Il est SS, genre, ouais, il y a les Allemands qui. Merci pour ce point, Godwin. Ouais, c'est clair. Non. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, bah, c'est un terme en gros qui est employé par les joueurs. Ouais, c'est SS. En disant, bah, attention, ça décale sur vous. Donc, au moment où les gens décalent, bah, faut savoir regarder la map et puis anticiper. Sinon, tu te fais laver. J'imagine. Et après, il y a plusieurs modes. Il y a le mode draft. Je sais pas si tu joues de temps en temps. Si, mais alors, pour faire sur LoL, il y a plusieurs modes. Ouais. Y a, en fait, il y en a trois, je crois. League of Legends, enfin, juste pour prendre un petit peu le concept pour ceux vraiment qui connaissent pas du tout, c'est qu'à la base, nous, les joueurs, sommes des invocateurs. C'est-à-dire qu'on invoque des champions venus de l'histoire et des différentes terres de League of Legends. Donc, c'est la mythologie du jeu. Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, on contrôle ces personnages-là qu'on envoie dans une faille se castagner. Ça fait très genre un petit peu Black Mirror où tu contrôles la vie des gens, tu sais, dans le Bandersnatch. Voilà. Et du coup, les choix que tu fais ont forcément des impacts selon les items que tu vas prendre, contre qui tu joues. Si le champion ennemi, c'est quelqu'un qui est à distance et toi qui es à mêlée, bah, quand tu veux aller tuer un sbire, bah, tu vas te faire taper dessus, forcément on va te balancer des balles à la gueule, ça va être sympa. Et donc du coup, quand tu choisis ce champion, tu as plusieurs modes. Il y a le mode blind pick, donc c'est aveugle en français, c'est tu choisis ton champion peu importe, et par contre tu ne sais pas en face quel champion il joue. Et le mode draft, c'est un peu le mode on va dire pro de ce jeu, où tu commences à bannir un champion parce qu'il est trop fort, parce que tu veux pas jouer contre. C'est vraiment, tu commences déjà à réfléchir dans ta tête à comment gagner vraiment la partie. C'est ce qu'on appelle un peu la macro game, mais c'est surtout la draft pick qui est très importante dans le jeu et qui fait généralement que soit tu gagnes, soit tu perds au bout d'un moment, quoi. Je sais pas si j'ai bien expliqué, Jolan. Si, moi, j'espère que les auditeurs ont réussi à suivre. Oui, c'est juste qu'il manque moi un détail. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, dans le premier mode, tu vois pas la team adverse. Oui. Mais dans le deuxième mode, tu la vois pas du tout. Enfin, tu la vois pas du tout, en fait. Même au début de la partie, tu vois pas qui est en face. Tu vois pas. Si, au début de la partie. Bah, tu vas voir les pseudos, mais tu vas pas voir les personnages qui vont sélectionner. C'est ça. Donc tu sais pas quel personnage va arriver avant de le voir dans la map. Non. Genre tu dis, oh tiens, je tombe contre un Warwick ou je tombe contre... D'accord. Voilà. En fait, tu le découvres une fois que la partie se lance et que tu es en chargement. C'est ça. Parce que du coup, dans le deuxième mode, tu le vois, mais avant de commencer la partie. C'est ça. D'accord, c'est ça. La phase de draft qu'on appelle donc dans les normal draft ou les ranked classés, en fait, c'est d'abord, tu as une première équipe qui banne trois champions, enfin les deux équipes bannent trois champions en même temps en fait, et après il y a l'équipe qui est du côté Blue Side, le premier choix de champion qui est très important, et après ça fait 2-2-2-2 en fait à chaque fois. D'accord. Voilà, en fait c'est vraiment... En fait ils s'imposent des limites. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. C'est ce qu'on retrouve, si je dis pas de conneries, dans les compétitions. Mais je serais pas obligé de le faire. Non, pas du tout, c'est juste que c'est pour le compétitif. En fait, LoL, c'est vraiment... Enfin, League of Legends, c'est un jeu très compétitif aujourd'hui. Il y en a des héros, en gros, qui sont toujours bannis parce qu'ils sont trop forts. Oui, il y en a qui sont surcheatés, du coup, on veut pas les voir dans la game. Genre, par exemple, je vais prendre des champions très connus. Le Teemo, je l'ai souvent vu banni, celui-là. Oui, mais c'est parce qu'on l'appelle Satan dans le jeu. C'est vraiment un champion contre qui personne n'aime jouer. C'est un champion, si tu veux. La caractéristique de ce champion, je vais y arriver, c'est que, en fait, il t'empoisonne. Il t'empoisonne. Et du coup, bah, par exemple, il va te rester, par exemple, tu vas t'échapper, il va te rester un HP, tu vas dire, ah ouais, j'ai le temps et tout. Et en fait, il y a le passif de Timo qui te bouffe ton HP, tu crèves. En fait, c'est qu'à partir de Nino 6, ce champion est chiant parce qu'il se met à stocker des champignons dans son sac, et ces champignons sont vénéneux, et il les pose, et ils sont invisibles, et tu ne peux pas les détecter. Sauf si t'as des items, etc. Donc, du coup, quand tu vas dans la jungle, tu sais, dans le brouillard de guerre où tu ne vois rien et que tu marches sur le champignon qui explose et que t'as 10 PV ou 1, bah, tu meurs, et le gars, il a l'autre bout et il a rien fait, quoi. Il a juste posé un truc, t'es mort. C'est comme ça. Ça te fait rager, t'es là. Le principe de Dermot avec les tourelles et tout, c'est un peu pareil. Bah, ce champion, c'est l'RPS, quoi. Ne le jouez pas, merci. Faut pas se balader avec 10% de PV aussi. Oui, non, mais. T'as pas le choix des fois. Des fois, t'as pas le choix. Bah, tu te soignes. T'es content de ne pas être mort. Alors, c'est très compliqué des soins dans le jeu. T'as pas des heals Si, enfin, t'en as des après, gens. Selon le stuff que tu prends. Ah, mais si le Toubib il est mort, t'es mort. T'as le mode. Enfin, t'as le. Tu sais, dans les. La RAM. Non, c'est pas dans ça, c'est. Mince, t'as le flash, t'as le flash out, je crois. Oui. Alors c'est les sorts d'invocateur. C'est les sorts d'invocateur, donc ça te permet de te téléporter en cas de situation critique. T'as le mode fantôme, donc ça te fait courir plus vite, il me semble. Oui. Après, j'en ai oublié d'autres. Il y a la fatigue qui fatigue un joueur adverse. Ouais, voilà. Voilà, t'as le mode heal aussi. Le soin de base qui va te redonner des PV, mais quand tu l'as pas et que tu dois attendre 2 minutes avant de pouvoir l'utiliser et que tu meurs d'un champignon, t'es content. C'est un peu frustrant, quoi. Voilà. Et puis, t'as le mec au champignon. Ouais. Il y avait l'autre là, vous l'avez appelé RPS. Non, c'est le mec en champion, vous l'avez appelé RPS. C'est Satan, ouais, ouais. Timo, RPS. Satan. Y en a-t-il d'autres? Jean-Kevin, ça marche aussi. Et puis, il y a un autre mode aussi que je voulais vous parler, justement, Antoine l'a prononcé, le mode Aram. C'est différent de tous les deux modes qu'on a parlé. C'était là, t'es en une ligne droite et pareil, tu dois aller atteindre le nexus de l'adversaire. Sauf que. Comment dirais-je ? Il n'y a qu'une seule ligne en fait. Voilà, il n'y a qu'une seule ligne. Et c'est du coup, c'est du gros truc de bourrin. En gros, vous êtes tous sur la même ligne. C'est ça. Et tu te fais. Je crois que j'ai vu que ça moi de toute façon. Ah ouais ? Ils sont tous en ligne, ils sont 3 contre 3, j'avais vu. Et genre, ils. Et ben voilà, ils retournaient. Sauf que là, c'est 5 contre 5. Ouais, c'est 5 contre 5. Et le truc que tu peux pas faire dans ce mode là, c'est que tu peux pas revenir à ton spawn. Parce que dans la fête de l'invocateur, quand tu. Quand t'es mort, t'es mort ? Non. Ah. Non, c'est pas quand ça. t'es mort, c'est ça. Mais dans la fête de l'invocateur, quand t'es en situation critique ou que tu dois aller récupérer du stuff, tu appuies sur B, du coup ça te back. Ça te téléporte à ta base pour pouvoir acheter des objets. Voilà, c'est ça. D'accord, donc tu meurs pas vraiment en fait. Non. Pas vraiment. Après, quand tu meurs, tu respawns à la base, mais t'es niveau mort. 1. Non, tu perds pas de niveau, tu perds juste de l'expérience, de l'avance au golf. Hein, c'est très compliqué. Là, on rentre dans ce qu'on appelle la macro game. Et ça, c'est pour les joueurs très expérimentés. Ouais. Déjà que c'est compliqué, je pense, d'assimiler les bases du jeu. J'ai repris LOL et je vais bientôt passer en mode classé. C'est fatigant. Parce que là, en fait, le mode classé, c'est justement pour passer des paliers. Alors, ça commence à faire aujourd'hui, Iron. Après, il y a bronze, tu as argent, tu as or, platine, diamant, challenger, master et grand master. Enfin, maître et grand maître. Ouais. Et toi, t'en es à quoi, Jo? Je suis à bronze pour l'instant. D'accord. Bronze, donc le deuxième palier. Moi, je suis platine. Pas mal. On va dire que je suis dans les 50%. Mon objectif à la fin de l'année, c'est de passer de platine bronze. Silver? Silver. Ou gold? Silver. Toi Antoine, tu y as joué aussi? Oui, moi ça fait longtemps, mais vu que j'ai plus de PC. Et... Tu étais à quoi? Ah, j'étais qu'au niveau moi encore. Au niveau? Ouais, parce qu'à voir ça, c'est en dessous de bronze. Non, en fait, les comptes ont tous des niveaux en fait, selon tu gagnes de l'expérience quand tu joues pour pouvoir acheter les champions. Parce que c'est un free to play, on le rappelle, c'est pas un jeu payant, c'est un jeu totalement gratuit. Après, t'achètes du cosmétique, j'ai mis 1400 boules dedans. Pour vous dire, voilà, la trappe pigeon, ça marche sur beaucoup de gens, dont moi, et c'est ce qui fait que le jeu tourne à plein régime et que t'as des nouveaux cosmétiques qui sortent tous les mois. Là, il y en a 2-3 qui vont ressortir. T'en as au moins pour 15€ pour un cosmétique. Donc ta carte va encore flamber. Non. Ça fait un peu mal au cul quand même. Ah, surtout que c'est Noël. Oui. Et d'ailleurs, je voulais en venir aussi. On parlait de. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des modes de jeu. Oui. Je voulais vous parler aussi, enfin pas trop longtemps, mais de l'e-sport en général. Parce que ça commence à se développer de plus en plus en ce moment. Il y a eu les Worlds à Paris. Oui, effectivement. Je te dis, les places, elles sont parties en moins d'une semaine. Il n'y avait plus rien. Les places c'était même une heure pour la finale. Une heure ouais, à une Paris, heure, c'était je crois une heure. Que c'était une semaine, moi, tu vois. Non, non, c'est les autres, tout ce qui était Madrid, etc., ouais. sur les étapes de demi-finale et phase de poule, etc. C'était plus simple, mais pour tous ceux qui ont voulu acheter pour Paris, en une heure, c'était fini. Parce ouais. qu'il y a une grosse communauté ouais, de ouais, là. Il y a une grosse commune, et puis et c'est assez impressionnant parce que c'est, t'as des animateurs et tout derrière, c'est casté par des ouais. Français. Tu avais fait écouter un son. Ouais. Bah, d'ailleurs, si vous voulez que je vous le fasse écouter, ouais, le c'est, son. C'est assez marrant. Let's go, let's go. Vous allez voir le gros bordel que c'est. G2. Et on y va de nouveau. Le zoning de Karsa. Attention, oh le kick de Karsa. Il est en train de se faire un V1 par un support. Et le baron Nashor. C'est allé tellement vite. Il y sent va peut-être chercher une engage. Il flash et il nous dit se repositionne. C'est vraiment on un match pas de foot. Obligé ouais. de forcer ce fight. Pour Fnatic, vraiment pas. 11 000 gold c'est une équipe européenne. Maintenant d'avance en faveur de Fnatic. C'est quoi, je... C'est une équipe européenne. Il qui amène le baron Nashor. Il y a une très grosse vague de minions sur ils le ont top gagné. Side. On a je mal crois à pas. Voir je comment crois les RNG pourraient essayer de défendre. On n'a pas de français. Les barils de Wipo qui ah, sont bordel. Posés. La tour au top qui voilà, devrait tomber. L'ambiance qu'on peut avoir dans. Oh putain, oh putain. Mais c'est trop ça. Eh non, il a rien. Il a pas marqué le but. Voilà, donc c'est le ouais, c'est vrai, qu'on, ça qu'on fait vraiment footballeur. Il hein. Y a peu de différence entre League of Legends et foot. Ouais. Bah, les commentateurs en tout cas. Les commentateurs ouais. en tout ouais, cas ouais. sont là à commenter les games. Il faut savoir que la différence quand même entre un sport de ballon et League of Legends, c'est que dans League of Legends, tu as 10 joueurs à suivre. Mmh. Dans le foot ou n'importe quel tu sport de. Tu suis celui qui a le ballon. Ouais, tu ouais. suis la balle en ouais. gros. Donc là, c'est comme si tu mettais un ballon à chaque joueur de foot. T'imagines le bordel que c'est. Donc là c'est normal que tu les entends gueuler et que les gens aient rien compris parce que déjà ils utilisent tous les termes anglophones ouais. comme top et lane. Ça reste un métier quand même à part oui. entière. Ah oui, oui, c'est oui totalement. Pas ça. Mais c'est juste que c'est assez marrant, on entend les mêmes termes de voix que les animateurs footballeurs. Oui, c'est vrai. Sont en train de dire, oh putain, il va. Mais avant, ouais, ça pourrait très bien avant arriver. Avant même de devenir animateur, faut jouer au jeu puis avoir les. Ah bah, les ah bah t'es obligé. Les connaissances t'es obligé, de base. Sinon, faut avoir la connaissance. Sinon, ouais. Puis je dirais, même si tu as pas joué avant, tu y joues quand même en fait. Ouais. Point barre. Mais c'est, parce très, que sinon, c'est très impressionnant les tournois. Moi j'ai regardé. Il y a la chaîne O-Gaming qui est assez connue sur Twitch. Ouais. C'est une chaîne française. Bah justement, comme la chaîne Indestar sur Twitch. Ouais, voilà. Ah là, exactement. C'est ouais, connu aussi. C'est eux qu'on vient d'entendre. Ah ouais, ouais, c'est eux qu'on vient d'entendre. C'est Royal. Ils passent les demi-finales qui sont retransmises. Enfin les finales, les demi-finales. Ils passent tout en fait. Ils passent tout. Ouais. Ils sont sur StarCraft. Je crois qu'ils font aussi CSGO. Ouais. Et puis League of Legends, en fait, c'est une web TV au gaming. Donc sur Twitch. Et ils ont deux chaînes pour League of Legends. Enfin, c'est un bordel chez eux. C'est un gros truc. J'en profite pour dire sur Twitch, vous pouvez aussi regarder le live Indestar. Allez. Transition. On peut regarder le live de l'émission PK Avenger. Donc ouais. Vous nous verrez faire coucou là comme des cons. C'est le seul moment où vous pouvez nous voir parce que sur les podcasts, vous nous verrez pas. Vous nous entendrez juste. Les podcasts, vous pouvez les trouver sur plus de 20 sites de. Enfin, non, c'est pas site qu'on dit. Plateforme. Ouais. Oh, j'avais oublié ce mot. Genre sur Spotify, Deezer, etc. Exactement. Ouais. Parce qu'on voilà, on va pas tous les citer. Sinon, au pire, si vous avez pas envie de chercher sur les sites, enfin les plateformes de podcasts, vous pourrez directement aller voir sur le site indestar.fr. Vous nous trouverez très facilement. Vous tapez podcast. C'est fait. Voilà. Alors vous tapez pas juste podcast sur Google, sinon non. vous trouverez non. pas. Non. On est d'accord. Vous allez d'abord sur le site internet. Et voilà. Après, vous regardez, vous aurez un onglet podcast. Et voilà. Et puis pour ceux qui regardent le live, j'ai envie de dire quand même, lancez un petit hashtag Team Binoclar. Ouais, on est 5 lunettes man vrai, ce soir. Pas faux. Ouais. Mesdames qui aiment les lunettes, c'est l'heure du pécho. Hein. On représente les PK Avengers dans toute aussi. Leur splendeur. Elle est où la zouze là? Elle est où la gazelle? Eh oui, on est entre couilles aussi, mais ça c'est qu'un détail. Ah bah là, ça manque de féminité. C'est hein. peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. C'est clair. Ça, je ne veux pas penser à des choses bizarres. Non, c'est une chanson de France Gall. Ah, d'accord. Ouais, non, bah en chanson. Nous n'avons pas les mêmes références. En chanson, je t'ai donné une parfaite transition. Exactement, je préfère écouter du Sarah H, hein, parce que France Gall. C'est toi, France Gall. Je sais pas qui c'est. Enfin, si j'ai un doute. France Gall, elle avait la Gall ou elle vivait au Pays de Galles, je sais pas. Non, mais je sais que c'était une chanteuse française. Avec Provençal. Bon, je suis en train de chercher des musiques de France Gall, mais je ne connais pas dans ma tête. Mais on va écouter Sarah ouais, H, c'est bien. On va écouter son titre Numb, c'est un cover de Linkin Park. Mais en fait, tu les connais bien, toi, ces musiques. Bah, j'ai été animateur radio, donc je suis censé avoir un minimum de culture musicale. C'est vrai, il faut avoir un minimum de culture musicale. Ah, mais bah, je sais pas. Dit. Ouais. Voilà. C'est juste des amateurs. Moi je lance des merci trucs. Merci à Guélan et Antoine, ainsi que Jeanne, d'être là et d'avoir un peu de culture parce que je me sens moins seul du coup. C'est Antoine que tu dis ça là. Bah il dit rien du coup, je vais pas le clasher, ouais. Le pauvre. Tu il connais, a rien dit. Tu connaissais Sarah H? Hein? Ah bah oui. Ok, ok. Eh, il a son regard sérieux, attention. Ma soeur elle en écoute, celle qui a fait écouter ça. Ok, bon bah je suis le seul à avoir votre culture. Okay. Ouais, allez, voilà. Au revoir. Au revoir. Bon bah on écoute Sarah H du coup, je vais faire ma culture. Chaque jeudi jusqu'à 23h, PK Avenger sur Indestar. Alors. Eh oui, effectivement. J'ai cru que t'allais me la faire le générique. Pink Avengers, je le connais pas. Eh, mais c'est vrai, pas. Tu nous as pas lancé un générique tout à l'heure. Si, si, bah, si, si, si, si, il y a si, été. Si, si. Mais tu l'as pas écouté. Si, si, mais j'étais mort de rire. Si, si. Du coup, je me concentrais sur mon rire pour ne pas pleurer. Tu veux que je te le remette? Oh. Non, non, non, non, non, non, non. Je ne veux pas faire souffrir les auditeurs, s'il te plaît. Non, je rigole, en vrai, il est bien. Tout à l'heure, on le rechantera peut-être à la relance. On est motivé. Si t'écoutes, t'es lisseur, Indesta. C'est une émission du passé qui a disparu. C'est comme Sport News, ça a disparu. Ouais. Ouais, mais du coup, il y a des nouvelles émissions qui ont vu. Genre les Peck Avengers, donc restez, parce que c'est bien meilleur. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Le Peck Avengers, c'est le meilleur. Mais sinon, le lundi, il y a d'autres gens qui sont moins bons. Il y a Starter de 20h30 à 21h, si je me trompe pas, avec Antoine et Jolan. Et Yann, Théo, oui. Ça sent moins bon, ça sent la voiture, le mécano. Ouais, bah, on a les mains dans le cambouis, quoi. C'est pas pareil. C'est pas pareil, effectivement. Ça sent qu'il faut faire une vidange, hein. Il y a Actu Solite qui est encore moins bien. C'est moins bien. Ah, c'est pour ça que tu reviens tout le temps à chaque fois que tu squattes l'émission de 21h à 23h. C'est pas le truc où vous présentez des objets chelous là que je vois sur Facebook à chaque fois. Que si, on met des petits sondages avec des objets. Avec quoi, petit serveur? Où vous voulez trouver ces objets? Franchement, ah ouais, vous allez sur Topito. Sur plein de sites. Non, moi je tape objet insolite, objet étrange, objet bizarre, objet inutile. Moi mon site favori c'est Mike Crazy Stuff et il y a plein d'objets, mais vraiment. What the fuck? Non, les objets japonais aussi. Oui, ah ouais. Un jour faudra qu'on fasse un unboxing des objets les plus what the fuck sur Wish ou trucs comme ça. Ouais, vrai, parce que ouais. Comme on est une radio sans thune, bah faut faire Wish parce que c'est sans thune. En vrai, c'est prévu, hein, je pense, pour Actu Solite, je crois qu'on en ouais, parlé. On a prévu d'acheter certains objets et faire un les unboxing, tester en. Enfin, je sais pas ce que c'est un unboxing. Qu'est-ce que t'entends par unboxing? C'est les ouvrir devant les gens. Ah, alors les ouvrir, tester. Je sais pas si on va les ouvrir devant les gens, mais en tout cas, on va les tester en direct. Alors ça dépend des objets, évidemment, parce qu'on a mis, on a eu des objets assez. Ouais. On n'en dira pas plus. Ouais, c'est la banane. Alors, écoutez, tu solites à la rigueur, comme ça vous saurez. Ouais, je veux la banane à 4 euros. La quoi? La banane à 4 euros, tu travailles pas? Ah bah non. Une mais c'est quoi surtout euros. Cette banane? Parce que c'est louche quand même. Généralement, les objets ils servent pas à. C'est vrai que c'est. Là, c'est sous-entendu, Antoine. Ouais, ouais. La banane que t'as levé le pouce, ça faisait un god. Non, oh. Voilà, donc tu veux tester, effectivement. Alors, on n'a pas droit à ça en live. Nous rappelons que nous sommes sur un streaming au moins de 18, donc merci à tous les mineurs de partir. Non, merci Antoine. On l'a perdu. C'est juste à cause d'Antoine, mais on va virer Antoine. Ouais, comme ça, on sera réouvert à tout public. J'ai juste des godes. Hein. C'est déjà trop. Non, en anglais, ça fait Dieu. Ouais, mais en français, ça fait pas Dieu. Le god, c'est le Dieu qui s'enfonce en toi. Que pour les nonnes, que pour les religieuses. Et même pour les petits papes. Et pour les enfants. Pour les naines. Tu le diras pas à ton père. Hein. Oh, faut qu'on arrête. Au nom du père, du fils et du god. Et après le Saint-Esprit. Bon, allez. Il y a d'autres émissions plus sérieuses. Alors, on se marre aussi, hein, évidemment. J'ai vu de la lumière le mardi, de 21h à 23h. Je sais pas si on se marre. Clément. Ah si, on se marre. Parce que j'ai vu de la lumière, ça fait genre, hey, Dieu, j'ai vu de la lumière. Ouais. God, j'ai vu de la lumière. Oui, on repense à ce qu'on a dit. Et c'est pour ça qu'il fait tout noir après que je sois passé. Alors, il fait pas toujours tout noir, mais dans la mission, il y a de la lumière, et s'il y a de la lumière, tu peux venir. D'accord. Je recherche toujours des joueurs pour faire des sketchs, parce que c'est une émission d'improvisation théâtrale. Donc il invente des débuts de sketchs et il faut les finir, grosso modo. D'accord. C'est assez cool. Ouais, je crois que je vais les squatter une fois. Faut faire ça au moins une fois dans sa vie. Ça passera mieux si je fais des blagues. C'est pour ça antisémite et raciste. Ça passe toujours. Non, je rigole. C'est pour ça que Marguerite n'est pas là ce soir, parce qu'elle est partie avec Clément au conservatoire. D'accord. Elle va voir du théâtre. Exactement. Ah. Voilà, donc elle nous lâche, elle nous abandonne pour d'autres. Donc ça, c'est J'ai vu la lumière le mardi. C'est ça. Après, il y a Peck Avengers le jeudi. Il y a les bests. C'est nous-mêmes, ici présents, ouais. Et il reste le samedi, il y a Enrôlé dans la folie, une fois par mois. L'émission GDR, jeu de rôle. GDR, encore plus geek que geek, ça tu fais pas. Ah bah oui, voilà. Dans le domaine Cthulhu. Doctor Who, et qui c'est qui fait ça? Je connais les gens. Alors, je crois que tu connais aucune personne. C'est, enfin, si tu les as peut-être déjà vus, c'est les membres du Zoa principalement. Ah bah, Teddy, bonjour. J'en fais partie, effectivement. Je suis le vice-président. Galen, tu fais partie du Zoa aussi. Ouais. Galen fait partie du Zoa, mais il est rentré dans le Zoa trop tard. Ah. Enfin, pas trop tard, du mais. Du coup, t'étais exclu. Non, mais moi, je fais pas. Oui. D'accord, ça m'intéresse pas. Il est rentré si, qu'après. J'en ai déjà fait, mais là, ça m'aurait intéressé d'ailleurs, mais. C'est... Ah oui. Ouais. Ah bah on a une place qui s'est désistée. Oh, oh. Non. Tu pourras faire la DLC ou le DLC. On verra. Tu sais, c'est la joue. C'est ça. Parce qu'on sait vraiment parce que tu nous as fait chier, allez on fait un DLC. Ah c'est ton jamais, c'est ton jamais. Mais bon, pourquoi pas. Pour le moment on va pas vous parler. Enfin ouais. Là on vous a fait un petit check-up. Non c'est pas un check-up qu'on dit. Ah t'as vu je t'ai fait un petit check-up là, petit tu résumé. Vas très bien maintenant. Oui, oui. Ouais, un petit résumé de la grille d'antenne de cette année. En sachant qu'il y aura d'autres émissions aussi qui vont se lancer au début de l'année, Passion et je sais plus l'autre. Vita Conso. Passion Accordéon. Vita Conso, je crois que c'est pas encore, c'est encore pour parler. Ouais, mais passion. Pardon, c'est passion. De l'accordéon, non c'est... Passion tout court. N'importe quelle passion, ça passe. T'es passionné de timbre, ça passe. De, d'accordéon, oui. Ok, ok. Passionné d'accordéon, ça passe. Bon, moi, bah, j'aimerais mettre le feu avec une passion électro alors. Tu. Ah, bah, faut en discuter avec le gars, mais ouais, en théorie, c'est possible. D'accord. Stéphane de la migration des hippocampes, oui aussi. Bah, c'est tout à fait possible. Si Stéphane des oignons qui sortent des pieds, c'est possible. Si Stéphane que des poivrons rouges, oui. Voilà. Et si Stéphane des films, c'est oui. possible aussi. Ah oui. Bah moi oui, je suis passé avec. D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler là tout à l'heure. Bah même là, non. Ouais. Enfin, oui, oui, merde. Hein pas tout ah à l'heure, non. On me zappe. Bah... Ouais, mais ça c'est normal. D'accord. Alors, bah, je m'en vais. Allez, alors, je sais. On parle jeux vidéo ou film. Les deux. C'est dans Break Avenger. On parle même de manga aussi. Alors en ce moment, on en a pas eu trop. Ouais. D'animé, on parle ça, aussi plus, de musique. C'est plus Teddy. Ouais. Les animés, musique, ouais, ouais. principalement moi. Mais... Les musiques, ouais, bah ça j'en c'est J'en ai pas Mathilde. Fait cette semaine. Pas eu le temps. Non, pas pas eu le temps. Mais là, par contre, c'est ce qui est étonnant. Attention, accrochez-vous. Antoine va nous présenter quelque chose. Je peux faire un roulement de tambour ? Tu peux nous faire un roulement de tambour. Tu vas nous présenter pas un jeu mobile, pas un jeu tout court. Tu tapes dans le haut de gamme. Ouais. Tu vas nous présenter un et film. Dans le haut de la fourchette. En plus, le haut de la fourchette. Tu fais plaisir à Guélan en présentant. Ouais, en plus. Tu vas nous parler des Blues Brothers. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais non. Waouh. Ça, c'était le way de trop. Non, tu vas nous parler d'un film assez mythique, ouais. si j'ai envie de dire. Jamais vu. Un bah, film culte. J'ai vu des bouts et c'est vrai que c'est assez drôle. J'ai vu la course oui. poursuite. Ah, par contre... ah oui, oui, la course poursuite en voiture. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont cassé une soixantaine de bagnoles là-dedans. Ah bah attends, ouais. Ok, je te dis rien. Vas-y. Je te laisse la parole. D'accord. On lui enlève. Ça fait trop. Donc voilà, donc The Blues Brothers. Ouais. Un film américain. Ouais. Donc c'est sorti en 1980. Mmh. Mais moi j'étais pas né. C'est sûr. Il y a juste Théo. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Et attends, bien avant. Il nous écoute, attention. Il était dans 70. Joachim aussi, non. Ouais. Il y a plus de 30 ans. C'est vous ça. Êtes vieux. Hein. Voilà. Les vieux, on les confine dans un coin. Les seniors. Vous pouvez essayer d'aller sur Twitch, hein, vous savez. Indestar.fr. C'est une radio de jeunes, il n'y a pas de vieux. Les vieux, on les vire, nous. Voilà. Surtout dans Break Avenger. Surtout. Donc la durée, il dure 2h07. 2h07 Ah, ouais. C'est peut-être un peu trop ça pour Guélan. Non, ça... non. Ah oui, parce que j'ai présenté des films d'une heure cinquante. Toujours d'une heure cinquante, mais là c'est. Les films des années 80. Ah, Guélan, il est resté bloqué cette année-là, il aurait dû naître dans les années 80. Faut ouais, le parrain, franchement, je suis né trop tard. C'est la meilleure année. Je vous ferai le parrain la prochaine fois. Le parrain oh. Ouh, c'est Tarantino ça, non bon. Arrête de teaser des trucs de ouf. Non, pas du tout, c'est Coppola. C'est qui Coppola. Ah, pardon, Coppola. Mais bim. J'ai confondu. No culture, no culture. Ouais, si, mais j'ai confondu. Oh, ouais. Bon, Antoine, arrête de gagner du temps et vas-y, présente là. On sent que t'es sur Wikipédia. Mais tu sais quoi, les mots de browser ? Là, c'est Wikipédia, papier, c'est la même chose. Non, je l'ai écrit avec mes mots. Avec tes mots Wikipédia. Non, non, ça se voit, il y a des fautes là. Ah, l'enfoiré. Ah, c'est Wikipédia. C'est bien comme sur Wikipédia. Non, des fautes d'orthographe. Ah, oui. Bon, Wikipédia. Ouais, non, je sais pas. C'est pas Antoine. Ils apprennent eux. C'est ENT. Ah ouais, mais c'est. Oh non, ils apprennent. C'est pas très grave. C'est pas très. Bon, allez, on s'en fiche. Allez, allez. Présente. On n'est pas là pour faire des cours de français. Ouais, hein. Allez, on est des geeks, on est censé ne pas allez. S'y connaître. J'avais 8 de moyenne en français. Ouais, pareil. J'avais 6. Madame Cartin, fuck. Ouais, tu sais que c'est enregistré, hein, t'es ouais, dans la merde. On a, j'ai vu le fuck gueule, là. Pour sa prof de français. Là, là, là, sur l'écran. J'ai inventé le nom de famille, hein, vous inquiétez pas. Ah, enfoiré, tu mets la hype et tout, genre le thug et tout, oh là là. Mais non. A, j'ai eu aucune prof de français. Bon, Antoine, Madame vas-y. Cartin. Genre en même temps, ça fait un motif de Cartin ça... et tout là. Donc bon, j'arrête. C'est un peu de respect. C'est un genre de comédie musicale. Musicale. Ouais, ouais, pour le coup, ouais. Il y a de l'action et de l'humour. Ouais. C'est vrai. Réunis. Il y a aussi des effets spéciaux de ouf. Ah oui. De malade. J'ai vu la course poursuite. Je vais insister là-dessus. Parce que justement, Antoine était en train de bosser cette semaine. Il a été à Pépite Lab au boulot de Théo. Ouais, j'ai travaillé. Et il a travaillé sur un PC. Et ils m'ont montré la vidéo de la course poursuite. Elle est énorme. Et je dois t'avouer que, alors, non seulement elle est énorme, mais en plus, putain, les effets. Il y a un moment, en fait, dans la course poursuite, bah, il y a plein de voitures et tout. Et ils arrivent sur un pont qui est pas fini. La voiture, alors, il tombe à moitié. Du coup, il fait une marche arrière. Et en fait, la voiture, elle s'envole. En. Je sais pas, fait des roulés boulets, voilà. Ça fait du Bollywood là, c'est plus ah, du. C'est du. Ah ouais, c'est du Bollywood ça, non. Je pense que c'est pour le lol. Et après, t'as la voiture de flic qui suivait derrière, qui elle. Elle s'envole. Et... Non, elle s'envole. Elle monte les bâtiments. Tu la vois tomber, puis au bout d'un moment, elle remonte. Voilà, elle monte, puis après, elle tombe comme ça. Tu comprends pas d'où est-ce qu'elle atterrit. Puis il est complètement déjanté. Non, mais je comprends pourquoi un petit peu c'est what the fuck et genre un peu Bollywood. C'est les années 80, faut rappeler que c'était les hippies. Forcément, les hippies, ils étaient pas très présents mentalement. Ouais, ils étaient dans un autre monde. Mais je trouve que ça tenait génial quand même. C'était magnifique ces effets de merde. Regarde le film. Je suis sûr que c'est voulu. C'est obligé. Ah bah oui, même ça. Mais bon. Donc Jake et Elwood sont deux frères qui ont grandi dans un orphelinat à Chicago. Mm-hmm. Donc John Belushi interprète Jake et Dan Aykroyd. Merci. Et ouais, il le connaît par cœur. Ah mais toi, t'as vu le nom? Bah non, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Comme ça. Okay. Non mais il a écrit en phonétique pour réussir à le dire. En fait il écrit toujours en phonétique. Ok. Tu sais c'est des E au plat. C'est H-O-P-L-A. Voilà, au plat. Et lui il interprète Elwood. D'accord. Et donc c'est quoi l'histoire de personne? Ah, elle m'a éternu. Non, ça va pas sortir. Tu nous fais un blanc là. Eh bah ça c'est mon tableau de tête. Eh hey. C'est raciste de dire tu nous fais un blanc. Ah on ne dit pas ça. Si je dis tu nous on fais un pas noir. Dit des blancs. C'est raciste aussi. On ne dit pas de couleur. La couleur n'existe pas. Tu nous fais un jaune. Un éternuement. Un jaune. Bah ça fait pastis. Non. Non. Non. Ah non, là par contre. On rappelle que l'alcool est à consommer modérément, bien évidemment, et surtout le pastis vu que c'est dégueulasse. Ouais, je préfère le Ricard. Ils sont reconnaissables grâce à leur tenue de chapeau, lunettes et costume noir. Ouais. On dirait des mafieux. Ouais, un peu. Ouais, j'aurais pu dire des croque-morts, mais c'est ensemble. Des croque-morts, ouais. Des espions. Ouais, la rigueur. Des espions. Les mecs de la CIA. Donc un jour. Sans le chapeau. Un jour, ils apprennent que leur orphelinat où ils ont grandi est surendetté. Ils ont 11 jours pour rassembler 5000 euros. Enfin, 5000 euros. Mais ils sont adultes là à ce moment-là. Voilà, ils sont adultes. Ouais. Ah, ça commence déjà, ils sont adultes. Hein. Et donc, purement sentimentalement, ils vont essayer de réunir cette voilà. Somme. D'accord. Donc ils vont partir avec leur blues mobile. C'est le Batmobile version blues. C'est ouais. La version déprimée. C'est une ancienne voiture de police, une Dodge Monaco de 74. Oh les bâtards, ils ont volé une bagnole de flic. Non, même pas, ils l'ont troqué contre un autre véhicule. Ouais, mais bon, prendre une voiture de flic, c'est jamais une bonne. Bah comme ça, ils sont tranquilles, ils se seront pas arrêtés. J'avoue. Ouais. Hmm non, c'est pas ce que je vois dans le film. Tu sais, y'a plus le Giro dessus. Oui, bah encore, oh, il manquerait plus que ça. Donc pour reformer leur ancien groupe de Blues Brothers. D'accord. Sur leur tournée musicale, ils vont. Enfin, c'est truffé d'obstacles, donc ils vont. Il y aura un groupe de partis nazis. Oui, j'ai vu, il y a des nazis, putain. C'est excellent. C'est what the fuck. Excellent ce. T'as un propriétaire de base de bar de country, excusez-moi. Et un groupe de musiciens de country aussi. Et pourquoi ils sont tous contre lui en fait? C'est ça que j'ai pas compris. Enfin, tous contre eux plutôt. C'est. Pendant un moment, ils doivent. Ils doivent passer, par en tournée. Ouais. Et sauf qu'ils ont pas de contrat pour l'instant. Ouais, donc en gros, ils font ça un peu. Ils ont fait croire que c'était des genres de contrat. Non, dans un bar de contrat. Et... Mmh. Et d'accord, donc ils fistent un peu les gens quand même. Oui. Un peu, ouais, donc ils ont des raisons d'être recherchés. Ils ont des raisons d'être recherchés. Oh putain, j'allais avoir l'image, mais non. De quoi, de fister les gens? Mais oui. Musicalement. Oui, bah oui, forcément. Je crois que c'était pas cette image-là qu'il avait en tête. Il en avait vraiment l'esprit, il en avait. Et vu qu'Antoine rigole, à mon avis, c'est une image personnelle qu'ils ont entre eux. Guylaine, il a dit bien profond en plus. Ouais, ouais, c'est ce que je dis. Ils ont du vécu ensemble. Non, pas du tout. On en parlera de notre émission. Donc, bah. Donc toi ils font leur show toi dans le bar des comptes. Ouais, donc ils arnaquent un peu beaucoup de gens du coup. Sauf qu'ils arnaquent le propriétaire. Ils payent pas le propriétaire. Ouais. Et ils ont fait quoi au groupe de musiciens qu'ils doivent avoir une licence ou je sais plus quoi. Ouais. Donc, bah après toi ils se barrent, toi ils disent que ça. Bah ils se barrent avec l'argent quoi. Non, avec la recette. Ouais, je sais plus. Bah leur but c'est bien de réunir de l'argent, on est d'accord. Oui mais je sais plus. En gros ils se font un peu d'argent. Et ouais. Sauf que bah ils payent pas aussi le propriétaire. Ouais, c'est ça, bah, ils gardent tout pour eux quoi. Ils voilà. Ont plein de propriétaires sur le dos, j'imagine. C'est des voleurs quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si c'est pour une. Mais ils ont pas de couleur. Mais t'as, en fait, t'as aussi l'obstacle de la petite amie psychopathe. Oui, bah je vais en venir. Ok, après. Pardon. Donc après, t'as la police de Chicago qui est très vite secondée par tout l'état de l'Illinois. Ouais. Même vers la. Enfin, je sais pas si je peux teaser la fin encore. Ouais, tu peux teaser un film qui est sorti en 80. Spoil, oui, c'est bon. C'est pas comme si t'es sorti il y a un mois à peine. Mais même une semaine ou moins. Spoil pour les jeunes. Ouais. Donc, bah à la fin, t'as l'armée, t'as les forces d'intervention spéciales et tout. Ça finit en GTA, quoi. Ah, c'est ça. Les mecs, ils ont. Ouais, minimum, ils ont 5 étoiles au cul. Et régulièrement, tu vois une mystérieuse femme qui. Qui se trouve. Qui essaye de les tuer. Ouais, c'est ça. Pas comme ça. Elle essaie de les tuer avec un bazooka, avec un lance-flamme. Ah, mais oui, je l'ai vu. Il y a un moment, elle sort avec une Kalachnikov. Je comprends pas, je me dis, mais d'où elle sort cette meuf? Et elle crie quelque chose ou pas? Non, mais on avait dit quoi avec tes blagues là? J'ai demandé si elle criait quelque chose. Elle est totalement neutre politiquement. God est grand. Et cette femme, c'est pas n'importe qui, parce que en fait, il s'agit de Carrie Fisher. Donc, je la connais celle-là. Oui, c'est la princesse Leia. Oh. Ah, ok. Rip Carrie Fisher déjà. Quand t'as elle qui te course au cul pour te tuer, c'est qu'il y a un problème. Voilà. D'accord. Et pourquoi elle veut les buter? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est l'ex-femme d'un des deux, ouais. De Jake, qui s'est barré avant le jour du mariage, quoi. Mais c'est vraiment des enflures, ces gars-là, ouais, en vrai. Ouais. comment ils font? Est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme les héros du film? Oui. Oui. Ouais. C'est plus des anti-héros. En quoi ce sont des héros? Qu'ont-ils d'héroïque en soi? Ils essaient de sauver l'orphelinat. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié l'idée de base. Mais c'est vrai qu'ils font des trucs tout du long. Ce que t'as oublié, c'est qu'ils vont chercher leur groupe et dans chaque arrêt qu'ils vont faire, va y avoir une musique. Et donc on peut retrouver par exemple Ray Charles ou Aretha Franklin. Arrête de spoil, Guylaine. Tu vas trop vite pour Antoine. C'est qu'il connaît parfaitement Guylaine aussi. Oui. C'est notre expert cinématographique. Faut pas l'oublier. Du 5e art. Déjà, tu sais, déjà. Pardon ? C'est pas le 7e ? C'est le 7e. 5e, c'est quoi alors ? C'est la photographie. D'accord. Oh. J'aime pas la photographie. Tu connais par cœur ? Non, ou l'architecture, je suis. Vas-y Antoine, à toi. Donc j'allais en venir. Il veut la parole. On peut apercevoir en outre James Brown. T'as écrit en outre? Oui, en outre. Ah oui. T'aurais pas dû le lire ça, mais. Oui. J'ai compris en loutre, mais. Qui interprète le révérend. Ouais. Donc une outre transformée en James Brown qui interprète un révérend en même temps, ok. Donc Red Charles qui interprète le vendeur d'instruments. Des cas fantastiques. Non. Tu sors là. Faut que j'arrête avec cette blague. Tu sors. Il est plus de ce monde en plus, ce monsieur là. Ouais. Red Charles des 4 fantastiques. Ouais. Non. Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Donc tu vois, c'est Aretha Franklin. Aretha Franklin. Oui, Franklin. Ah, c'est bon. Il a trop regardé le dessin. T'aurais dû mettre NE à la fin pour Franklin. C'est ça. T'as mal écrit phonétiquement. Donc, qui joue la femme d'un musicien. T'as aussi John Lynn Hooker. Je connais pas celui-là. C'est un musicien. Bah oui, je... Merci, Jean-Antoine. Très connu, mec. D'accord. T'as aussi Gab Galloway. Galloway. Qui joue le concierge de l'orphelinat. D'accord. Et donc, toutes ces personnes-là, bah, ils interviennent. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Oui. Ils sont tous contre eux aussi. Non. Sauf l'orphelinat. Non, ils sont. Bah ils sont bien quoi, on va dire. Ils sont bien. Ils sont gentils quoi. Ouais, gentils avec eux, mais. Ouais. D'accord. Ouais, il est pas sûr, il est pas sûr. Antoine. Ah, ça, c'est ouais. pas moi, j'ai vu le film aussi. Galen, confirmes-tu ces propos? Ils sont tous gentils, les gens qui croisent. Bah, ils sont avec les. Ils sont pour les héros principaux, en gros. Ouais, mais. Non, ils sont pas tous avec eux au début. Hein. Ils essayent de. Le but, c'est de les convaincre de venir avec, voilà. avec les deux acteurs. D'accord. Ouais, et ils ont tous refusé, en fait. Non. Ah bon? Non, mais. Vu que ça fait 10 ans qu'ils sont pas revus, enfin, faut qu'ils trouvent la bonne formule pour qu'ils viennent avec eux. Ouais. Ouais. D'accord, je vois. Voilà. Et donc à la fin, est-ce qu'ils réunissent les fameux 5 000 $? Si c'est bien 5 000 $. Ouais. C'est pas cher d'ailleurs. Non, à la fin, ils arrivent sur une petite salle de concert et ils jouent la musique qui est vachement connue, mais c'est dommage qu'on ait pas d'extrait de cette musique parce qu'elle est super. Ouais. Tu peux nous la chanter? Ah non, non, je sais pas chanter. Je vais essayer de vous la trouver. Mais ils ont quand même l'argent, du coup. Si je m'en souviens. Ouais, ou... il me semble, ouais. Ouais. Mais eux, ils sont arrêtés par contre. Ouais. Ouais. On peut pas dire que c'est un happy ending, mais. Non. Enfin. Ils ont réussi à sauver l'orphelinat, mais. Le titre de la musique. C'est Every. Tu tapes Blues Brothers, Everybody, et après tu. Oui, parce qu'on a oublié cet aspect-là aussi, vous, les Blues Brothers. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. C'est les Blues Brothers, ça? Non, c'est pas ça. Bah non, c'est un film américain, c'est ça, donc... Everyday... Everybody... Mais oui, il y a toute la partie musicale du film qui est très importante, j'imagine. C'est, les musiques qui passent dans ce film-là, il y a beaucoup qui sont devenues mythiques. Bah, c'est... Oui. Déjà, c'est devenu la BO du film, et puis en plus, les musiques, elles étaient déjà connues un peu avant. D'accord. Elles étaient connues avant. Oui, d'accord. Parce que je voulais justement te poser cette question-là. Mmh. Ça me paraît gros quand même que toutes les musiques deviennent. Non. Après, bah, déjà, les musiques vont le devenir puisque c'est les chanteurs sont très connus. Mmh. Mais ouais, elles étaient déjà connues avant. D'accord. Tu voulais dire un truc en fait? Je sais plus. Ah oui? C'est ton sujet quand même. Non, donc j'ai une anecdote. J'arrive plus à avec son... Donc il y a eu plus de 60 voitures de police qui ont été anéanties dans le film. Dans le film ou juste pour la course poursuite? Dans le film. Dans le film au total. Ouais. Et 12 mobiles sont nécessaires pour le carambolage de fin. Quoi? Pour la scène de fin. Tu sais, pour la scène de... Il y en a eu 13 blues mobiles. Ils ont eu besoin de 13 blues mobiles. Ouais. Pourquoi ils en ont cassé? Beaucoup, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Raconte-nous un peu la scène pour le coup. Je l'ai eu! Toi, t'as vu les. T'as vu comme moi la course poursuite, t'as vu comment. Ah ouais? Bah, j'ai tiré un pouf à les. Ah, ils font des tonneaux quoi? Ouais, des tonneaux. Les Blues Brothers, ils font des tonneaux? Ah, j'avais pas vu. Ouais. Du coup, ils ont dû lancer 13 fois pour avoir une bonne prise séquence. D'accord, ouais, des tonneaux sûrement. Putain, ça coûte cher en budget voiture quand même. À l'époque, ouais, dans les années 80, c'était pas la même façon qu'aujourd'hui. Ils avaient du budget. Et puis moi, je pourrais rajouter un petit truc, c'est que Dan Aykroyd, il a sauvé la vie de Carrie Fisher sur le tournage. Parce qu'elle a failli s'étouffer avec des choux de Bruxelles. Donc lui, sérieusement? Ouais. Donc ça, lui, il a fait la technique. Ça, c'est une vraie anecdote. La technique d'Emlich. C'est gentil, ouais. Le massage. Carrie Fisher. Comment je fais pour te remercier? Je fais bah épouse-moi. Suce-moi. Pardon. Non, épouse-moi, c'était beau. J'ai entendu à suce-moi, j'étais là. Oh, porc, balance ton porc, Teddy. Hashtag balance. Me too. Non, il fait la deuxième fois, je devrais l'épouser. Et du coup, ils sont. Non, en fait, elle est sortie avec John Belushi. Ah non! C'est pas le deuxième. Il doit avoir le seum quand même. Oh putain! Mais Dan Aykroyd, vous le connaissez tous. Déjà, il tient un beau rôle aux côtés d'Eddie Murphy dans Un fauteuil pour deux, mais il joue aussi dans SOS Fantôme. Ah! Voilà. Oui, tout de suite, donc, ça part. Donc, avec les lunettes et le chapeau, on reconnaît pas, mais voilà. Mais bon, on sent. Voilà, on sait que c'est lui. Okay. Mais il a quand même raté quelque chose là. Il a raté son open mid, comme parce on dit. On m'a hué, suce-moi, mais je pense que je suis pas le seul à avoir des fantasmes comme ça. Hein, donc, Si. Personne n'a fantasmé sur Leila de Star Wars. Non. Ah si, non. Ouais. Oui. Ah non, Padmé, mais pas Leila. Ouais, ouais, Padmé encore, mais Leila. Si. Non. Les deux. Ouais. Enfin bref, on passe au détail. Next. Trouvé la musique. Attends, moi, ça t'a un truc à dire. Oui. Oui, mais je demande quand même à Jonathan, est-ce qu'il a trouvé la musique? Non. Voilà. Donc on n'aura pas de musique. C'est pas grave. Ouais. Bah non. Bah. L'ordi, il est pas très fiable. Hein. Allociné, les spectateurs lui ont mis 4,1 étoiles sur 5. Ah oui, tu m'as fait peur. C'est un film bien noté en tout cas. Ouais. D'accord. Tu sais ce qu'il me reste à dire. Et tu as regardé combien de fois pour faire ta chronique? C'est. Attention, il y a un piège. Jolan. Hein? C'est la musique, c'est, tu as Blues Brothers, Everybody Needs Somebody. Ça que doit être la collection du PC. Ouais, ah, okay. Faut que je la mette sur le jingle et le jingle palette et puis ça prend un temps fou. Okay. Les films. Tu parles des films, combien de fois que je l'ai vu? Bah, combien de fois tu l'as fait pour faire ta chronique? Combien de fois je l'ai fait? Ouais, combien de fois tu l'as regardé? Le film, j'ai vu une fois, c'était il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, 15 ans. Ah, c'est la première fois que tu le voyais? Non, bah, en fait, quand j'étais plus petit, quand j'étais minot. Ouais, un bambino. J'ai mon père qui l'a, bah, était passé à la télé à ce moment-là. Oh, un petit Kinder. Je crois que c'était de ton... C'était l'un des Blues Brothers. C'était en 2002-2003 qu'il a dû passer à la télé. Ouais. Et bah, j'ai vu ça, bah, j'ai juste vu la femme en fait. D'accord. Et quand j'ai vu la femme, bah, j'étais comme ça devant. Ça m'a émerveillé par la course. Faut que tu le dises parce que sinon on le voit pas. Bah, en gros, j'ai les gros. Enfin, j'ai été. Ouais, t'étais bien. Enfin, t'étais ouais. Impressionné par la femme. Voilà, c'est ça. Et t'avais envie de le revoir du coup. Voilà. Et c'est pour ça que t'en parles dans Peck Avenger. Voilà. C'est bien, je suis fier de toi. Maintenant. Jérémy Chamallow ? Eh ben ça dépend. on va en parler avec Guélan. Guélan, qu'en as-tu pensé de la première présentation d'Antoine Daffy ? Bah non, ça va, moi j'ai. Fais gaffe à ce que tu dis, t'es à côté de moi. Les menaces physiques, c'était... ça marche pas dans Peck Avenger. C'était nul. Non. Non, mais moi j'aime bien physique, quand, sexuelle, quand quelqu'un présente un film et j'aime bien rajouter aussi mes petits trucs. Ouais, les deux ça passe, hein. Vous avez trouvé ça comment, Ismaël, Jolène? C'était bien, ouais. C'était. Il lève la tête de son téléphone. Pardon. Non, mais je checkais la musique, voir si je. Oui, non, de quoi on parlait déjà? Non, mais je vous écoute. Hein. Je non, ça fait toujours plaisir d'entendre des choses. Tu vois, moi j'aurais jamais eu le film, donc quand Anton explique, j'ai pas compris toujours pas tout. J'ai pas envie de le regarder. Mais aussi, au final, quand tu dis que ils ont. C'était à l'époque où tout le monde était bien à l'ouest et ouais. Tout. Ça doit être très marrant à voir, donc au final, avec tout ce qui a été dit, juste ça me donne envie de le voir. D'accord. Et bah, du coup, on te fait un petit peu de. Voilà. Merci, Antoine, merci. Et moi, je peux partir maintenant, j'ai fait mon tour. Ah, fallait voilà. Pas vraiment applaudir, mince, ok. Non, je croyais qu'on était gentils ici. Après, il rentre plus dans son casque. Non. C'est bien, je suis fier de toi. Mais du coup, tu vas peut-être pouvoir nous lancer la musique. Parce que j'ai pas envie de le dire, celui-là, mais d'une force. Quoique. C'est Dance Monkey. Dance Monkey de. The Mashed Kutcher. Ketchup. Ça me dit quelque chose, Kutcher. Mashed Kutcher. Dance Monkey, Aston Kutcher. Aston Kutcher. C'est une reprise d'une chanson électro très récente, là. Elle est sortie il y a même pas un mois. Ouais, Dance Monkey. Oh. Ouais, ça va être intéressant. Mais avant ça, petite pause. Promo. Ouais. La pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. En effet, et on va tout de suite parler de la musique qu'on a entendue juste avant parce qu'on a eu quelques petites précisions en off. Non. Oui. Non, pas du tout. J'ai Alzheimer. Non, j'ai pas Alzheimer, je vous rassure. Non, alors du coup, c'était un bootleg ou un mashup, enfin un mélange de musique si vous préférez, ouais. Entre Dance, donc du groupe Justice, enfin ouais. D'un DJ qui s'appelait Justice, qui était sorti il y a très longtemps. Et là, c'était avec Toon the High, enfin Toon High. C'est un des titres numéro 1 en ce moment dans l'électro, ouais. Avec la chanson qui s'appelle Dance Monkey. Donc du coup, là, ce qu'on a écouté, c'était Dance Monkey avec Dance, en gros. Donc ça fait Dance Monkey. D'accord. Merci. Voilà, merci la grosse précision. C'est l'offre à la culture musicale de cette émission. Bah, si, tant que c'est de l'électro, ça va, ouais. Et on n'a pas de Hanafri, moi. Et de... puis, tout va bien. Et puis, on a un message de Blood Earth qui dit c'est bien la musique, lol. Bah, merci, c'est pas moi qui ai fait la programmation. Et il est dit let's go, PK, PK. Voilà. Bon, on te remercie. Voilà, mais merci Blooders. On sait pas qui c'est. Ouais, on ne sait pas qui c'est. On taira le nom. Mais bon, si tu pouvais te décliner ton identité. Parce que moi, je déteste les secrets comme ça. J'aime savoir le nom des gens. Mais bon, juste pour leur casser la gueule à poisson. Non, ouais, ouais. Ou le numéro de carte. Non, je plaisante, je plaisante. Non plus, non, pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va parler. Ah, t'es pas moi. Tout de suite. Vas-y, dis-moi ce qu'on va parler là. Bah, je sais pas moi. Moi, ce qu'on va parler, pas on va parler de Chronos. Et ton conducteur, là. Bah, je l'ai même pas, on m'a même pas donné. Bah oui. Mais après, vraiment, t'as été cassé. Oui, déjà, oui, alors. Ouais. Enfin, ah, non, à marche, il m'a fait un bouchon. Mais, j'ai voulu faire mon conducteur tout c'est une tout machine de gare, tu sais, maintenant, le truc. Et ouais, c'est vrai que. Ouais, déjà, ouais, elle a fait un peu bizarre. Ouais. C'était, elle a tu sens qu'elle a vécu les deux guerres mondiales et tout, le Vietnam, l'Algérie. Tant qu'elle imprime, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui compte. C'est une c'est comme chose une femme, utile. Tant qu'elle a fait le ménage. C'est petit, mais je valide. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire comme bruitage pour ces gars? Bah, ça, hein. Ah non, applaudissements. Oui, ouais, le pouvoir génial, des hommes. Pourquoi tu mets bien Scratch, le pauvre? Bah, je sais pas. Je suis forcé. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, je vais parler à un jeu. D'un jeu, non, pas d'un jeu. Oh. Tu vas parler à un jeu? Ouais, je vais parler. Alors, bonjour League of Legends, comment vas-tu? Chronos? T'es là, Chronos? Ça va, t'es bien? Ça va comment dans ta vie? Je bah, suis ton père, mal. Teddy. Je dors beaucoup moins depuis que j'ai Pokémon. Oh, est-ce que je me suis dit? Je m'étais dit oui, un jour. Je m'étais dit. J'ai été à Tours. Il y a 2 semaines à peu près. C'est pas vrai. Tours, alors c'est en région centre, dans le 37. En Indre-et-Loire. C'est une ville universitaire, bien mieux qu'Orléans. Orléans, oui, c'est à chier. Parce qu'Orléans, allez à Tours, les gens. N'allez surtout pas à Montargis. Là-bas, c'est pour finir sa vie. Dans les pompes funèbres, je précise. J'ai été là-bas, donc en ville, grosso modo, et j'ai été dans un magasin de jeux. Et je me suis dit, tiens, je vais aller acheter des jeux pour Peck Avenger, et j'ai acheté 2 jeux. Et là, je vais vous parler d'un que j'ai eu le temps de finir. Pas hier. J'ai eu le temps de finir le jeu hier, et il s'appelle Chronos Battle World, si je me trompe pas. Ou l'inverse, Battle World Chronos. C'est comme on veut. Dans les deux cas, ça marche. Voilà. Ce jeu, il est sur PS4, mais il est aussi disponible sur Xbox One. Ah, non, là, il est sur PS. Et aussi sur PS. Il est sur Mata. Toi, tu l'as testé sur PS4. Mata. Je l'ai testé sur PS4. Mais bon, ça doit pas changer grand chose que ce soit Xbox One ou PS4. Ou PC, je veux dire. Ouais, si le jeu est pourri graphiquement, oui, dans les deux cas, il sera pourri graphiquement. Voilà, donc, ouais. Déjà, ouais, gros point. Non, je sais pas, je connais pas, je dis ça comme ça. Je sais pas si on va commencer par ça, mais c'est vrai que graphiquement, il est pourri. Ok, mauvais. Il est nul à chier. Ça donne pas envie. Bah, donc n'achetez pas ce jeu puisqu'il date de 2013. Mais de toute façon, c'est pas pour les graphiques que vous allez l'acheter. Pour l'histoire. Pour la stratégie. C'est sexy, la stratégie. Pour la stratégie. Alors, il est sorti en 2013, oui, comme tu l'as dit. La stratégie. Donc, la stratégie, effectivement. Oh mon dieu. Il a été sorti par Nordic Games et King's Heart. Est-ce que ça vous parle? Non, pas du mais tout. Si je vous donne des exemples de jeux, peut-être que ça vous parle. Ah oui, peut-être. Nordic Games, ils ont fait Spellforce, Quantum Break, Elex et Darksider. Oh, ah oui, bah, donc pour moi, c'est quand même des noms assez importants. Surtout Spellforce et Elex et Quantum Break. Darksider, je connais pas. Mais j'imagine que c'est un des plus connus. Et ouais, mais je connais les 3 autres, donc je m'en fous. J'ai jamais joué aucun de ces jeux, je les connais juste de noms, bah, genre Quantum et Darksider. J'en ai joué à 2. Je connais Spellforce et Elex, je les ai minés d'une force. Et Quantum Break, j'ai l'image du jeu en tête. D'accord. Je sais pas moi, pourquoi. J'en connais aucun. Et ben, je sais. Mais bon, bah, là, si tu vas en connaître un. Moi du aussi, coup. J'en connais. Vous allez connaître Chronos. Ouais, maintenant voilà, oui. Pour le coup. Donc ils ont fait Chronos. Alors c'est un jeu tour par tour de stratégie futuriste, on va dire, avec des petits véhicules futuristes. On n'a pas ça par chez nous et c'est bien dommage. On fait pas la guerre très souvent. Ça manque aussi. D'esclaves en gros, c'est ça. Ça manque d'esclaves, ça manque de guerre. Ça... C'est un jeu où en gros, tour par tour, et la map elle est découpée en petits hexagones. Donc on se déplace en hexagone. J'aime bien les hexagones. C'est cool. C'est fun. Je préfère les triangles. Je préfère les triangles ou les carrés, ça dépend. Mais moi je suis plus hexagone. Un plus long débat. Oui. Oh putain, ça doit être compliqué celui-là. Bon. C'est un jeu de stratégie où qu'en gros, t'as des petits véhicules. Tu commences sur une map, t'as des petits véhicules. Et tu dois aller péter toute une armée en face de véhicules. D'accord. Encore un petit message. Les Chinois, The Blooders, ouais, ce que j'étais en train de dire. Il met des émotes de rire chinois, je sais pas pourquoi. Et il met les Chinois, ça manque de Chinois. Est-ce que alors, je sais pas si c'est parce qu'on parle d'esclaves, peut-être. Il voulait faire un rapprochement. Dire, il rigole jaune. Ah mais bon. Je rigole noir. Ça dépend. Bon, bref, revenons à mon jeu. T'as des petits véhicules à la Advance Wars, donc en gros t'en as pas beaucoup et tu dois aller affronter toute une armée qui est en face de toi, du tour par tour évidemment. Et ça met quand même pas mal de temps juste pour une mission. Il y en a où j'ai mis 90 tours et ça représente une journée plus une demi-journée. Donc, ah ouais quand même. Ouais. Ça met pas mal de temps juste pour finir une mission. Et des du fois. Coup, les armées que t'affrontes, elles sont au même niveau, non? Alors oui, les véhicules, en fait, ils sont tous au même niveau. Genre, t'as des véhicules qui s'appellent des bandits, des hunters. Ouais. L'adversaire, il aura les mêmes, ou même des chars, des tanks, des... Toi, t'es là avec tes petits trucs. Ouais, tu te dis, mais c'est pas possible. Non, ça va pas le faire. Mais bon, au fur et à mesure où t'avances, t'empêtes, ils gagnent en expérience. Tu peux trouver des véhicules dans certains bâtiments ennemis, tu arrives à en créer avec un peu de ressources parce que t'en trouves pas beaucoup non plus des ressources. Ce jeu il est quand même assez difficile en soi au début. Dans le début, j'ai bien aimé l'intro. C'est genre ce jeu en fait vous allez le trouver trop difficile mais c'est pas grave, au bout d'un moment vous comprendrez, ce sera facile pour vous, vous arriverez à ne perdre aucune unité sur chaque partie. Ouais, alors j'ai essayé de perdre aucune unité, ça marche pas. Ce n'est pas possible. C'est des menteurs, c'est des menteurs. C'est ça, c'est publicité mensonger. Mytho. Mais enfin, c'est mathématiquement pas possible. Ça serait possible. Ah ouais ? Ça serait possible, mais alors tu passerais plusieurs jours sur une mission, et puis... Ça vaut pas le coup, quoi, de perdre du temps. Pour... Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas dire, si on a 2-3 qui se sacrifient, c'est pas grave. Plusieurs jours, bah ouais, voilà. Je préfère sacrifier quelques soldats, même si j'aime pas le sacrifice. J'aime les conserver en entier, mes unités, enfin voilà. Tant pis, il faut savoir sacrifier des fois pour gagner, mais bon. Comme aux échecs. Aux échecs, exactement. Si tu sacrifies aucun pion, en théorie, tu peux pas gagner. Hein. Comme dans la guerre. Comme dans la guerre. Oh, ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter les guerres. Ouais, pour éviter les sacrifices. Ouais, voilà. Voilà. Donc comme je dis, la prise en main, elle est assez difficile. La gestion des troupes et des ressources, c'est très pointu. C'est... Bah, t'as pas trop le droit de gaspiller des troupes. Parce que bah ça meurt vite et ça repop pas. T'as pas de bâtiment en fait constructeur, faut que t'ailles en piquer. Faut que t'ailles piquer des bâtiments pour construire des unités et encore parce que il faut un certain nombre de ressources. T'es une ethnie particulière pour aller piquer des trucs? Bah je dois t'avouer que... Les 4G, bah non mais t'es humain ou t'es humain, tu joues des races extraterrestres, t'es quoi? T'es humain. D'accord, c'est que des humains. Oui, donc c'est pour ça que tu peux piquer des choses. Oui, voilà, oui, j'ai cru qu'il allait dire dans mon âme à moi. Ah non. J'avais fait un blague raciste là en plus. Bah non, mais ethnie, c'est humain ou extraterrestre. Moi j'allais parler des 4G dans Skyrim, tu vois, c'est la première chose. Ah oui, c'est moins raciste. Ouais, c'est moins raciste, c'est des chats voleurs. C'est tout à fait normal. T'es juste un humain, ou qu'en gros, t'es sur une planète qui s'appelle, je sais plus comment, Chronos. C'est le nom du jeu. Quand même. Voilà. Quand même. T'es sur Chronos, et en gros, les gens, c'est des corporations qui se battent pour le contrôle des temples qu'il y a sur la planète. On a 12, et si tu contrôles les 12, tu as le droit de choisir le président qui sera élu pour diriger tous les humains, grosso modo. Donc les corporations, elles le veulent pour mettre leur chef de corporation à chaque fois. Dis Trump. Ah bah c'est un peu Trump, ça. Hein. Kim Jong-un. Bah, Kim Jong-un. Ben Laden. Alors, Ben Laden. On en entend parler plusieurs. Démission. Non, je... Mais vous allez rire quand vous allez entendre le nom des parties des méchants, on va dire. Il y en a deux qu'on connaît, c'est les Télites. Toi, t'en fais partie au début, dans la première campagne. Après, il y a les Yera. Et après, t'as les méchants, les Luminati. Waouh, ils ont été cherchés loin. Les Illuminati, t'as dit ? Non, l'Illuminati. Ah, j'ai compris, Illuminati. Y'a pas Illuminati. C'est donc, les Illuminati. Je me suis dit, oh putain, y'a quelque chose. C'est quoi ces connards ? Bon. Eux, c'est les méchants qui essaient de contrôler. Ouais. Et donc, en gros, ils ont des chartes de combat, ils ont des trucs à respecter, genre pas de bombe nucléaire, pas ci, pas ça, ce genre de trucs. Et en gros, ça doit être des guerres propres, grosso modo. La bombe nucléaire, c'est super efficace. Mais des guerres pacifistes. C'est des guerres pacifistes. C'est con, mais c'est des guerres pacifistes. C'est ça dans le concept de l'histoire. Ouais, bon. Et les Illuminati, évidemment... ouais, non, Balek, hein. On y va, on fait tout ce qu'on veut. Ils ont pas utilisé de bombes nucléaires, mais ils font des coups en pute, quoi. Enfin, ils font des attentats ou ce genre de trucs. Ah, oui. Donc ce qui n'est pas mieux. Encore une fois... Voilà. Donc c'est pour ça, en gros, toi, tu vas les affronter. Toi, t'es un jeune commandant de l'armée Télite. Tu viens d'être recruté parce que... Parce que l'autre, il est mort, non? Non, même pas. L'autre s'appelle Parker, mais il est très médiatisé, en fait, comme commandant. Ah, plus médiatisé qu'autre chose. Et du coup, faut des nouvelles têtes avec la tête sur les épaules, si j'ai envie de dire. Enfin, trop de têtes. Ouais, enfin. il a pris trop le melon, le mec. Ouais, c'est un peu ça. Donc au final, il fait plus un si bon commandant que ça. Donc toi, t'arrives, t'es frais comme un gardon, t'es là, tu commandes tes unités, tu fais les premières missions. Ton commandant en chef, je sais plus comment il s'appelle, il est fier de toi. C'est génial, t'avances, tu fais toute ta campagne comme ça. T'as deux campagnes, j'ai oublié de préciser, t'as deux campagnes. T'as la campagne, la première qui dure, je sais pas, 15-20 heures. La c'est le temps d'explorer pareil. Les vaches, les enclos à moudons, etc. Là, ça, c'est la campagne de base. Bah, et après, t'as la campagne perdue où c'est que de l'herbe, c'est ça. Plus t'avances, plus. Bah, je dirais que c'est même plutôt l'inverse. Au début, tu vois, t'es content, tu fais partie d'une corporation, ouais. T'as des moyens, t'as des unités et tout, t'as des tanks, tu peux les envoyer un peu au casse-pipe si t'as envie. Alors que dans la deuxième campagne, faut citer à la fin de la première campagne d'abord. Les Télites, voilà, t'es le commandant. Et à la fin, en fait, ton commandant en chef, bah, il se trouve que c'est un connard et qu'il fait auto-exploser son vaisseau. Il était pour les Luminati. Donc voilà, donc toi, tu te retrouves à être banni des Télites parce que tous les humains pensent que c'est toi qui as fait sauter. Voilà, t'es un peu un paria. Ok. Voilà, donc t'es exclu et tu vas rejoindre un groupe que j'avais pas parlé jusqu'à là, qui s'appelle les Chronosiens. C'est le peuple en fait qui habite sur la planète où ils se font la guerre. Ah. Ceux qui étaient là à l'époque et bon bah ils se sont terrés sous terre parce que bah bon, voilà ils ont pas trop envie de jouer à la guerre avec eux, c'est pas le même délire. Ouais, ouais. Et bah ils aimeraient bien reprendre leur terre eux. D'accord. Donc tu les vois apparaître vaguement dans la première campagne, c'est juste des petits humains que tu butes comme ça. Ok. Non, c'est ouais. Juste histoire de level up un peu, le gros, tu sais. Histoire de s'entraîner. Oh, un humain, tiens, je vais aller le tuer. C'est ça. Et du coup, eux, ils ont beaucoup moins de moyens technologiques, donc ils comptent beaucoup sur leurs ressources humaines, évidemment. Faites des bébés. Mais dans la deuxième campagne, justement, tu les rejoins. Parce que t'es un paria et tu sais, bah, ouais, tu sais pas quoi faire de ta vie, donc voilà. T'as été récupéré par eux. D'accord. Et après t'affrontes le reste avec des humains et quelques un peu technologie quand même. Faut pas nier, il y a des tanks, il y a quand même des trucs cool. Il y a aussi des unités volantes, des hélicoptères, des condors, ouais, des cool, bombardiers. Ça. Alors ça porte tous des autres noms. Des condors, mais c'est pas l'avion qui s'est c'est pas ils ont pas repris l'avion qui s'est crashé là. Non, lui, non, bah, il se crache pas le condor dans le jeu. C'est comme il y a pas de tour, on peut pas faire un avion. Oh. Blague de merde. Oh non. Tu veux faire les deux tours Ouais, voilà. Round 2. Ah, j'aurais trop aimé le faire, mais non, on peut pas. Mais bon. Ouais, dans les simulateurs de vol, je pense que ça sera mis un jour. Oh non. Ça serait trop beau. Comment bien faire une trajectoire pour niquer les deux tours Bah, tu vas dans la vallée du Mordor. Les deux Ah oui, les deux tours du roi. Vous pensez qu'on parlait de quoi, les gars? Bah ouais, non mais. Ouais. Okay. Ah, vous pensiez aux deux tours d'Amérique. Oh, aux États-Unis. C'est propre. Mais non, c'est propre. Non, sinon, c'est on aurait dit les tours jumelles. Bah oui. Ah, t'en parles là-dessus. On va arrêter la blague sur les tours. Vous le passerez pas. Ah si, on s'est écroulé. Ils sont passés en force. Mais bon. Il n'y a pas de tour dans le jeu, c'est dommage. Je viens d'y penser, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de tour. Mais bon, il y a des avions. Finalement, c'était pas ton tour. C'est petit. Non, c'était beau, c'était propre. J'ai bien aimé cette petite vague. C'est pas ton tour. C'était trop propre, je pouvais pas rester. Je me sentais trop sale à côté de ça. Je suis obligé de respecter Galen pour ça. Dois-je t'appeler maître? Non. Ça m'assure. Enfin, bref, la deuxième campagne, tu l'as fait avec les résidents, enfin les Chronosiens. Alors évidemment, tu te doutes bien qu'à la base, c'était les gentils, même si tu les as butés pendant la première campagne, c'est pas grave. Ils essaient juste de récupérer leur planète, parce que se faire avec Eger sur une planète comme ça qui nous appartient même pas, c'est moyen quoi. Bah ouais, ouais. Mais toi, tu le savais pas tout ça, donc voilà, t'es un peu safe là-dessus. Mais au final, tu les rejoins, donc t'es gentil. Et tu vas te battre contre les Illuminati qui sont en. En fait, les Télites, c'était la plus grosse corporation. Après, c'est les Illuminati. Donc, les Télites, ils se cassent la gueule vu que ton commandant en chef s'est fait exploser la gueule. Ouais, t'es plus qu'avec tes petits hommes à faire le rempart entre. Cochon. À barre. Est-ce que ça serait une référence à un cochon de guerre? Peut-être. Ça serait tellement bon. Voilà, donc tu fais tes deux campagnes comme ça. À la fin, évidemment, bon, c'est pas pour le côté histoire de toute façon du jeu que tu joues. Ouais, c'est pas ouf. Bah, on peut parler des cinématiques si vous voulez. Ouais, en off, justement, tu m'avais dit, les cinématiques sont dégueulasses. Ça pique les yeux, ça fait saigner les oreilles, c'est horrible. Ah ouais, les voix françaises sont françaises? Ouais. Alors ça, le doublage est bien ou pas? C'est ça déjà. Non, mais. Non, merde. Mais c'est un point positif, c'est en français. Ouais. Mais le doublage est très mal fait. Enfin. Bah, justement, donne-nous un peu les points forts et les points négatifs de ce jeu selon toi. Alors, les points qui forts, a été testeur ça serait les stratégies. Les stratégies, c'est Bah, c'est le cœur du jeu, hein. Oui. T'as pas à chier, faut que t'avances ton unité d'une certaine distance, mais pas trop pour pas qu'il se fasse trop, enfin qu'il se fasse attaquer. Après, enfin voilà, t'as plein de trucs comme ça. Il y a différentes unités, il y en a qui attaquent de loin, d'une case ou de deux cases, il y en a qui attaquent de 15 cases, il y en a qui attaquent juste les unités volantes, ainsi de suite. T'as aussi des unités navales, j'y ai pas pensé, il y a les bateaux, les sous-marins et tout ça, donc c'est assez complet en termes de véhicules. Stratégiquement, c'est un très bon jeu. D'accord. Graphiquement, il est nul à chier. Mais stratégiquement, il est bien. Il date de PS2, PS1, quoi. Ah oui. Ouais, ah, c'est même pas PS3, il n'y a même pas de respect, en fait. Non, il n'y a même pas de respect. C'est même pas du 480 ils ou de la HD. Ils auraient dû le remasteriser, le jeu. Hein. Bah, je sais pas. Vous y faire une suite. Ouais, ou mais ouais. Mais mieux. Je pense qu'en fait, c'est un jeu tellement... Enfin, indé, on va dire. Enfin, ils l'ont sorti comme ça, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de début. C'est juste le premier jeu qu'ils ont fait comme ça. Ouais. Et ils ont jamais ils avaient peut-être pas trop d'expérience sur le graphique. Pourtant, ils avaient Spellforce et Alex qui est magnifique graphiquement, Bon, ils se sont dit c'était pas utile pour ce jeu-là. Et c'est vrai que j'ai été voir des critiques sur des sites de critiques. Et au final, les joueurs s'en plaignent pas trop. Ils disent que ouais, c'est vrai qu'il est nul à chier graphiquement, mais bon, au final, c'est un bon jeu de stratégie et tout. Ah ouais, d'accord. Si c'est comme ça que tu vois les choses, pas de problème. Ok. Mais voilà. C'est un jeu seulement solo ou tu peux jouer en ligne avec? Alors, ça c'est intéressant aussi. Tu y joues solo au début, tu joues la campagne solo, les deux campagnes solo. Après, t'as un mode de train où qu'en gros, il y a juste. C'est la même chose qu'en campagne. C'est juste qu'il rajoute un train sur des rails qui a aussi des attaques et tout ça. Enfin, ok. Ouais. Ça peut être sympa. Je l'ai pas fini ce mode là, donc c'est pour ça que je voulais pas trop en parler. Ah oui. Mais après, t'as le mode multijoueur. Effectivement, tu peux le faire comment on appelle ça? Ouais, des combats en 1 contre 1 contre des joueurs. Ouais. Et tu peux faire des modes train en 1 contre. Enfin, des joueurs, ouais, joueurs contre joueurs. T'as déjà essayé ou Non. Ah, tu sais très bien que non, voyons. Tu oui, peux non, très bien répondre pas. À cette Teddy question. Teddy n'aime pas le PVP, le gameplay c'est... PVP ou multijoueur généralement. Franchement, à part Clash Royale, il n'y a pas de PVP chez moi. Genre, si je te dis soirée à la maison, FIFA, tu me fais non. Ah, je te fais, FIFA c'est pas vraiment un jeu. Je suis d'accord, j'aime pas, mais je le fais parce que les gens aiment bien y jouer, parce que c'est le foot. Oh, cool. Tu me ferais Super Smash à la rigueur, je te dirais pas. Oh non, ouais. Pas Super Smash. Et je te dirais non à Mario Kart, non à. Dead or Alive, parce qu'il y a des meufs en bikini. T'es ennuyé en fait. C'est pas que je suis ennuyant, c'est que j'ai l'habitude de jouer seul. Non, ennuyeux. Ah oui, ça arrive. Et c'est que j'ai l'habitude de jouer seul ou alors avec mon frère qui regarde ou l'inverse. Enfin voilà, on a toujours eu cette habitude-là. C'est en famille. Non, mais t'aimes pas Mario Kart. J'aime pas trop les jeux de voiture en fait. Ah. Piloter des voitures, ça a jamais été mon prof. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Ça, tu vois, ça passerait, tu vois. Ça, ce serait cool. Un Just Dance. Il y a moins de voitures. Just Dance, ouais. J'ai déjà fait. Bourré. On rappelle que l'alcool est à consommer modérément. Je vous prends quand vous voulez. À Just Dance. Ouais. Excellent. T'as déjà fait du Just Dance avec Dina? Non. C'est qui est Dina? Vous connaissez pas Dina? Non. C'est une ex championne du monde de Just Dance. Mais qu'est-ce qu'elle foutrait en région Tour Angèle? Bon, elle est pas en région Tour Angèle, mais elle vient au Japan Tour Festival tous les ans. Et je l'ai rencontrée, j'avais pu l'interviewer, franchement. J'ai les canons. Bah moi, c'est Marcus que j'ai vu jouer Just Dance. Oui, bah justement, il était là avec Dina et Ayami Michel, une japonaise qui fait des ballons. Elle s'appelle vraiment Ayami Michel? Ayami Michel, ouais. C'est triste pour elle quand même. Je ne souhaite pas que les gens que j'ai connus là-bas écoutent cette émission parce que là, ça. Bah non, mais Ayami Michel. C'est quand même triste comme prénom. Mais c'est son nom de scène, Ayami Michel. Ah ouais, putain. Ah, il fallait préciser. Hein. Bah oui, oh là là. Enfin, non, bref. D'accord. Ok. C'est quoi le nom de la prochaine chanteur ou chanteuse? Tu veux savoir, ouais, hein, j'allais le faire sans transition de toute façon. Ah bah alors, on reste toujours dans le même truc, hein, Arabella. Bah Arabella, je sais pas qui c'est. Summertime Again. Okay. C'est une reprise d'une chanson Summertime Again, voilà. D'accord. Arabella qui a repris Summertime Again de quelqu'un. 13 secondes, non, pas d'un autre chanteur. Ouais, on a 13 secondes d'intro, donc si tu veux, tu peux la lancer. Voilà, on peut discuter encore comme ça pendant longtemps. Summertime. Summertime Again. Ça c'est un américain. Un peu ouais. Ouais. Voilà, bah on va l'écouter. Et ça s'est entendu que ne met pas jingle. Oui. On n'était pas en off hein, là. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est le grand monde de la radio là. Ton téléphone. Merde, on n'était pas en off. C'est ça. On parlait pas de Clara Morgan, on parlait de rien. Non, c'est bon, on arrête. Là, c'est la première fois. Mais par contre, tu peux mettre un bed hein. Ouais. Ça c'est pas interdit par la loi. Ouais, tu là. On va mettre celui-là. Peut-être un peu moins fort. Ouais. Légèrement. Désolé, j'avais pas vu que le truc était à fond. On va faire un truc qu'on fait jamais dans Peck Avenger. Attention, un grand moment. Nous allons faire une relance d'émission. Il est 22h, mais non du coup. Alors ça veut dire qu'on a du retard sur notre... Et 22h32 hein. Exactement, normalement on relance, on va faire 22h. Donc au final... Attends, sérieusement. Sans décréder. 22h32, bienvenue sur Indestar, c'est Peck Avenger. Exactement, c'est Peck Avenger, vous pouvez voir notre live sur Twitch, vous pouvez aussi nous écouter sur indestar.fr en direct, live, ouais, ça revient au même. Et vous pouvez surtout écouter les podcasts sur une plus d'une vingtaine de plateformes de podcasts, notamment Spotify, Deezer et ainsi de suite, ou directement sur indestar.fr. Voilà. Voilà. Et si jamais vous avez envie de nous appeler, vous si jamais nous... l'envie vous prend, exactement, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Je l'ai dit à l'American, même si j'ai toujours pas compris pourquoi à l'American. Ah si, c'était plus simple à retenir. Oui, parce qu'on avait sorti cet argument. Oui, oui. Ouais. Parce que sinon, en français, ça peut donner 09 70 40 73 06. Va pas perturber nos auditeurs. Et là maintenant, oui, vas-y, sans regarder, redis le numéro de téléphone. Attends. 06 70 40 73 06. C'était 09. C'est un fixe. Merde. Et on va rappeler que le numéro est gratuit, hein. Vous appelez et vous payez pas. Nous non plus. À moins que quand vous appelez, vous payez du forfait. Ce qui est con parce qu'aujourd'hui, tous les forfaits, on appelle et SMS illimité. Mais bon, c'est après, je dis pas. Hein. On vit dans un monde de singes. Et après Chloé Stifler, ou Stifler, ou comme tu veux, Antoine. Ouais, Stifler. D'ailleurs, elle va donc prendre Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. J'ai demandé tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais la faire celle-là. J'étais sûr d'avoir déjà vu ça quelque part. Je sais que Shakira l'a chanté, Je l'aime à mourir. C'est un cover. C'est une reprise. C'est un cover, oui. Oh, un cover. C'est Guélaine qui va nous parler d'un film. Oui, je vais vous parler d'un super film ce soir. Mais juste avant, je vais vous poser une question. Dis-nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire des poèmes pour une fille? Pour séduire. Est-ce que une lettre d'amour, ça compte comme un poème? À l'école primaire, là, pour moi. Voilà. J'ai plus jamais refait parce que c'était la honte et, et les meufs sont trop connes en primaire. Au moins, tu l'as fait, t'as eu le courage d'écrire quelque chose pour qu'elle l'aille. Est-ce que je l'ai fait au collège? T'as écrit des poèmes? J'ai écrit une fois à une fille. Ouais. Et j'ai fait un poème. Et elle m'a dit, ouais, mais t'es pas assez riche, donc non. Je crois que j'ai un haïku à la rigueur si tu veux. Oh la michto quoi, putain! C'est clair! À moins que tu portes pas de vêtements de marque, c'est mort! T'as pas de thunes? Tu m'intéresses pas? T'as dû trop mal le prendre! Un petit peu, ouais! Bah non! Bah non, justement, tu le prends pas mal! J'ai pas de thunes, tant pis! C'est triste quand même! Bah non, c'est pas triste parce qu'au final, si ça s'intéresse juste pour la thune, ouais, non, c'était pas une bonne idée! Non, mais du coup, au final, tu te rends compte que bah ouais, voilà, donc au final, c'est mieux que ça s'intéresse pas à toi! Ouais. Voilà, donc je vous ai posé cette question parce que ce soir je vous parlais du cercle des poètes disparus. Oh. Voilà. D'accord. Ça porte vraiment sur la poésie. Oh putain. Il y a Megan Trainor qui vient d'arriver dans le studio. En parlant de poèmes écrits à une dame. Bonjour voilà. Megan. Est-ce que t'as déjà reçu toi des poèmes d'hommes? Oui. Ah. Elle nous dit un oui à ses explorations. C'est le oui, j'aurais préféré non. Est-ce que t'as dit à quelqu'un non, je t'aime pas, t'es pas riche. Donc... Ouais. Oui, parce que moi c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Ah, la pauvre meuf. D'accord. Ah oui, elle a recalé un homme qui a l'âge de son père. Et oui, ça j'avais écouté l'histoire. Ils sont tenaces encore. Ils sont choubouillants. Ça aime la chair fraîche. Grâce à elle, hein. Bon, on va écouter je l'aime à mourir, donc le cover de Francis Cabrel. Tout à l'heure. Hein. Repris par Chloé Stifler. Que j'aime tout bien. À l'heure. J'ai dit tout à l'heure. Ah, tu veux qu'on écoute maintenant? Ah non, ouais, et la relance ça dure 3 minutes. Hein. Ah oui, d'accord, bon bah let's go. Ouais, bah let's go. On a pas que ça à faire. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. Peck Avenger! T'as bien mis le jingle, Non, par contre, moi ce qui m'a choqué, c'est quand on a repris. Alors, il n'y avait pas le jingle tout seul, mais ça c'est pas très rare. Par contre, vous entendiez pas ça? De quoi? Si, moi, c'est moi qui l'ai mis. Je disais, je l'entends pas à la radio. Ça fait quoi le 4 là? On n'entend rien. J'ai arrêté pas d'appuyer, mais putain, ça fonctionne pas le feu de cheminée. Si, je comprends. Il y avait aussi les cartouchiers, donc pendant la musique, il y avait un feu de cheminée, si vous avez bien entendu. Voilà. Et d'ailleurs, une reprise assez sympa au final. J'aime beaucoup cette reprise. Je la préfère en version féminine d'ailleurs. Ah ouais? Non mais c'est vrai, il y a Shakira qui l'avait repris et je trouvais ça génial. I will always love you. Je suis un fan de Shakira. Pauvre Shakira. Comment ça, pauvre Shakira? Non, rien. Non, je plaisante. J'ai perdu mon conducteur, mais c'est pas grave, bah, je sais à qui il c'est. Il est là? C'est Aguelan. Oui, ouais, il est là, mais c'est pas grave. Il a pas perdu, il est là. Quoi? Ta pizza, elle est bonne. Je sais. Pourquoi? Je peux la terminer maintenant? Moi, je peux. Pas trop, pas trop. Merci. Ta femme, elle est bonne aussi. Quoi? C'est passé quoi là? Waouh! Attendez, remettez-moi dans le délire, remettez-moi dans le contexte. Je peux faire un rewind. Vous avez sans doute très bien entendu avec la radio. Conneries. Il y a Antoine qui me fait un compliment gentil, genre ma pizza elle est bonne et tout. Et puis t'as Galen qui dit ouais, ta femme elle est bonne aussi. mais c'est trop d'une violence! Je lui attendais violence, pas! Ça. Surtout qu'elle est morte en plus donc. Bah, non, je plaisante. Je vais lui rendre visite. Elle est presque en vie, je crois. Elle va bien, elle est chez elle. Et elle nous écoute, en théorie. Non, je croise les doigts pour qu'elle nous écoute. C'est qu'un détail. Elle est auprès de God. God banane. À 4 euros. J'espère qu'elle va écouter. Allez, ce que tu veux. C'est pas cher. Alors tiens, Teddy, nous en sommes là, mon cher ami. Merci. Ouais, non, oui, presque. Non, Dead parce qu'il manque encore Ismaël. On a perdu Antoine. Il manque encore la partie Ismaël, mais t'inquiète. Là, c'est Galan, après Ismaël, mais t'inquiète. Je sais que c'est à Galan de passer. Oui. Je connais mon conducteur sur le bout des doigts. Je l'ai fait juste 5 minutes avant. Tu le connais avant, bien là. Aussi. Oh, c'est... Ah bah oui. J'applaudis. Bon, allez. On peut faire des applaudissements. C'est ça. Alors, tu vous présentes quoi? Oui. Alors, ce soir, bah, je vais vous parler de poésie avec le film Le Cercle des Poètes Disparus. Réalisé par Peter Weir. Peter Weir, vous le connaissez aussi parce qu'il a fait The Truman Show, qui est sorti en 1998. Oui, bien sûr, on connaît tous. Avec Jim Carrey. Ouais, je l'ai regardé plusieurs fois. C'est The Mask. Oui. Voilà. Très grand aussi, Jim Carrey. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, quand il joue Dieu, enfin bref. Et il se ventura, tout ça. Voilà, alors là, bref. Là, Le Cercle des Poètes Disparus, donc sorti en 89. Ouais. C'est un drame et un teen movie. Parce que ça s'adresse plus aux adolescents qui peuvent être en internat. Voilà. D'accord. Internat. C'est pour ça que je me suis pas mal identifié au film, parce que j'étais aussi en internat pendant le lycée. Ouais, moi aussi. C'était comment l'internat pour C'était super. Non. Ah, c'était super, ouais, c'était pas genre... Non, moi j'avais une bonne ambiance. Pas moi. Genre les meufs qui arrivent dans le gars, des gars ou vice versa. Ouais, ça arrivait, ça arrivait. Ça arrivait, bien sûr. Tu sais que j'arrivais à taxer un surveillant, moi, à l'internat. C'est vrai? À taxer un surveillant? Ouais, j'ai taxé de l'argent. J'ai fait un an en internat, j'ai jamais eu ce que vous avez dit. Alors, on taxait ça, j'ai pas eu, mais j'ai jamais eu de fille. Non, mais tu vois, nous, la première année, en seconde, il y avait un problème de douche dans notre internat, on était obligé d'aller dans celui des filles. Oh, c'est bon ça! Oh, c'est beau! C'était pas trop. Chance! Ah, bordel! Et là, tu sais, ça fait comme dans les animés japonais, t'ouvres la porte de la douche et la meuf à poil. Et toi, tu te prends une tarte dans la gueule et tu. Voilà. Et t'es viré de l'internat. Voilà. Trop de chance. Alors, le film, il est produit par Touchstone Productions. Qui a aussi qui a produit Pretty Woman. Ouais, je connais aussi. Ou Good Morning Vietnam, un autre film. Oui, Good Morning Vietnam. Avec Robin Williams. Ou alors encore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Que j'ai jamais vu et que je ne souhaite pas voir. Ah ouais, pourquoi? C'est ton choix. On a fait une soirée Halloween. C'est pour la soirée d'animation. Enfin, l'animation, je suis pas fan. Genre, je sais pas, ça me fait flipper. Je trouve ça creepy as fuck en fait. Ah ouais, ça te fait flipper? Ouais. On devrait donner un micro à Megan. Oui. Ouais. Ouais. Alors bah on a un très beau casting pour ce film, tout d'abord parce qu'on a Robin avec Williams. Avec des piles, c'est encore mieux. Ouais, je sais pas s'il fonctionne. Là. C'est comme les. Non, vas-y, continue. Je continue. Hein. Ouais. Merci. Ensuite bah on a Ethan Hawke qui joue le rôle de Todd Anderson. Ethan Hawke qu'on voit aussi dans Bienvenue à Gattaca ou American Nightmare. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a Sean Leonard Scott qui joue. On entend Teddy qui rebat le micro. Ah là là, ça en fait du bruit. Un, deux. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Et voilà, mes gars. Sean Leonard Scott qui joue Neil Perry. Domo Arigato. Donc, Sean Leonard Scott, on le voit parce qu'il joue Wilson dans Doctor House. Le héros principal? Non, Wilson, c'est un docteur secondaire. C'est l'ami de Doctor House. C'est pas le black? Donc, on le connaît pas. Non, si. C'est pas parce qu'il s'appelle Wilson qu'il est black. C'est pas parce qu'il s'appelle Wilfried qu'il est ton gars. Hein. Ouais, excusez-moi. le Sean Leonard Scott qui joue Neil Perry, oui, c'est un peu le personnage principal, le personnage central de cette histoire, parce que c'est lui qui sera l'élément déclencheur un peu du cercle des poètes disparus. D'accord. Voilà. Alors, l'histoire se passe aux États-Unis en automne 1959. L'Académie Welton accueille en son sein prestigieux des enfants de famille les plus fortunés du pays. Donc, discipline, devoir et travail acharné règnent sans partage sur l'institution jusqu'à l'arrivée d'un nouveau professeur de littérature. Ce professeur, c'est un ancien élève de l'école qui s'appelle John Keating. Alors, avec ses méthodes aussi personnelles qu'audacieuses, il tente d'enseigner à ses élèves la découverte de soi et l'amour de la poésie. Vraiment, il enseigne le carpe diem. Carpe diem qui veut dire cueille le jour, c'est-à-dire profite de l'instant présent. Ouais, plutôt que de bosser et tout ça. Ouais. Non, pas de bosser, mais d'élever des esprits libres plutôt que d'être dans une institution où tu dois apprendre ceci par cœur. Voilà, là, c'est vraiment l'éveil et la curiosité qui l'incite. C'est très poétique. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Moi, il m'a fait chier, celui-là. Voilà. C'est quel film, tu dis ? Le cercle des poètes disparus. Oui. Voilà. Si je dis pourquoi, t'as fait pleurer. Un peu de spoil, mais bon, ça va, il est sorti il y a longtemps quand même. Donc. On a droit de spoil. Donc si les parents d'élèves et les autres enseignants n'approuvent guère ses méthodes, il réussit pourtant à susciter un grand intérêt pour la matière à ses élèves, et même au-delà de ses espérances, parce que Neil Perry, va découvrir une passion pour le théâtre. Voilà, ce qu'il veut devenir après, maintenant, c'est acteur. Alors que son père, qui est un tyran, lui, veut qu'il fasse des études de médecine. Ah, voilà. Toujours. The cliché. Parce que le père lui paye ses études, donc il fait tu feras ce que je te dis. Ouais, ouais. Voilà, sans vouloir, sans savoir ce que son fils veut faire réellement. Et le film date de quelle année 89. 89, oui, donc c'était encore dans la mentalité. Non, parce que là le film se passe en 59, donc c'est encore plus. Oui. D'accord. Ils font déjà un gros retour. C'est le flashback d'un flashback d'aujourd'hui, quoi. C'est un fast forward. Voilà. Donc. C'est super, hein, regardez-le si vous avez l'occasion. C'est un grand film déjà sur l'amitié. Et t'as Neil Perry qui trouve un carnet des anciens élèves, donc il voit la photo de John Keating et en commentaire il écrit le cercle des poètes disparus. Donc ils vont lui demander ce que c'est. Et il leur dit on se retrouvait dans une grotte avec des amis et on allait lire des vers de poésie. Voilà, de Walt Whitman. Et il le dit mais d'une façon, mais c'est tellement beau quand il en parle. Mais je sais pas si c'est ouf quand même, par contre. De quoi ? D'aller lire des vers de poésie dans une grotte. Mais la poésie est grandement sous-estimée, hein, c'est comme ça. Il y a plein de choses dans des grottes, là. Il y a des choses plus folles à faire dans une grotte. Non, en 59, c'était grotte, ça, là. Oui. Oui, une grotte. Mais de la poésie dans une grotte, je crois que c'est encore plus glauque. Mais le film ne le rend pas glauque du tout. C'est juste l'idée, comme ça. Oui. Voilà, donc en tout, le film, il fait 2h20. Donc tu passes un excellent moment pendant 2h20. Donc il y a pas mal de choses à savoir sur le film. Tout d'abord, quand tu tournes un film, ce que tu recherches, c'est le casting. Donc avant que ça soit Robin Williams, bien évidemment, devait y avoir Liam Neeson, Dustin Hoffman, Bill Murray, Mel Gibson, encore Alec Baldwin. Non. C'est pas des noms de pacotille, en vrai. Ouais, non. Effectivement. Bill Murray, c'est celui qui fait Ghostbusters. Voilà. Ouais. Un point pour moi. Liam Neeson, c'est Taken. Taken. Dustin Hoffman, c'est Macadam Cowboy ou Little Big Man. Où il joue le capitaine Crochet dans Hook. Oui. Mel Gibson, c'est The Patriot ou Braveheart. Puis Alec Baldwin, Beetlejuice ou dernièrement dans l'émission Impossible. J'en ai trouvé un, je peux poser mon casque et partir. Ouais, c'est vrai. On peut t'applaudir. Donc, c'est là où Robin Williams y signera l'un de ses plus beaux rôles au cinéma. D'accord. Voilà. Pour mieux capturer l'évolution des personnages et la relation qu'ils entretiennent les uns avec les autres, le réalisateur a choisi de tourner de manière chronologique, parce qu'il faut savoir que dans un film tu ne tournes pas de manière chronologique. C'est en fonction des décors et des scènes. Tu tournes pas chronologiquement, mais là il voulait qu'il y ait une évolution. Un séquencier et tout ça. Et que là non, il a fait. Ouais. En fait, c'est là où je vais spoiler, parce que puisque Neil ne peut pas faire ce qu'il souhaite et ne pourra pas devenir acteur, il se suicide. Ah! Il ne sera pas médecin! Certain reasons why en avance! Voilà. Non, il sortirait une cassette pour son père. Voilà. C'est la seule raison, du coup, c'est vraiment son père en fait qui va pousser personnage au suicide. En fait, il lui désobéit parce qu'il va participer à une pièce de théâtre. Et à la fin, il se fait carrément engueulé. Et son père y a parti. Ah, et ouais, il lui d'accord. dit déjà, bah, je vais t'enlever de l'école. Et je vais te surveiller, tu feras des études de médecine. Et lui, ouais, bah, c'est, ça l'intéresse pas. Le gros voilà. connard, quoi. Ouais. Et en plus, bah, je trouve que le rôle du père, ils l'ont bien choisi. Alors, je ne saurais plus vous dire ce nom parce que il joue dans une série qui s'appelle That 70 Show où il a un peu le même rôle du père autoritaire. Ah, peut-être voilà. qu'il est bon. Du coup, l'acteur est plutôt bon dans ce genre ouais, de personnage. Bah, rien qu'à sa tête, tu le vois. Ouais. Déjà, qu'il sera pas commode. Et du coup, est-ce que le père s'en veut à la fin ou on ne ouais. sait pas vraiment. Ah, si, si. Il a changé d'avis. Il le dira pas, mais tu le sens qu'il est dévasté quand, ouais. quand il va découvrir. Mmh. Voilà. Parce que c'est la scène la plus marquante. Parce que déjà, t'entends pas le coup de feu. Non, tu entends juste le mec. Voilà. D'accord, ouais. donc il se tire une balle. T'entends rien. En fait, pendant ce temps-là, tu vois juste. T'as juste du blanc. Un bruit blanc et le père qui se lève de son lit, qui se réveille. Ouais, ils étaient dans la maison, du coup. Ouais. Enfin, dans voilà. la maison. Ah ouais, d'accord. Ouais, et voilà, et après, le suicide, après le suicide de son personnage, Robert Sean Leonard a été isolé des membres du casting et le réalisateur a ainsi créé un véritable manque dans l'équipe qui se ressent également à l'écran. Ah ouais, il a voulu jouer vraiment avec des ouais. sensations réelles, on va dire. Ça me fait penser un peu dans le film Alien, le tout premier, où justement j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur le net, je ne savais pas, qu'ils que la scène... Oui, ils n'étaient pas au ouais. courant de ce qui allait se passer quand le monstre sortait pas, du ventre. J'en ai parlé la semaine dernière. Ah voilà, excusez-moi. Non, j'ai pas écouté la dernière fois. Mais c'est la malfaite de voir. Ça m'a tout de suite fait penser à ça, le fait de vraiment faire ressentir l'émotion en direct. Mmh. Et je trouve ça formidable. Mais ça peut être risqué ouais. aussi, c'est un double tranchant, ce genre de truc. Mais là, ils étaient au courant, enfin plus ou moins. Bah, tu perds du temps, sinon tu refais la scène d'une autre façon. Oui. Et de l'argent. Ouais. Donc la principale philosophie du film, je l'ai dit au début, c'est carpe diem, c'est-à-dire cueille le jour, profite du jour présent. Et sans te soucier du lendemain. Et cette citation était inscrite sur la plaque de postérité de Robin Williams, décédé il y a maintenant 5 ans. D'accord. Voilà, qui est à Los Angeles. Elle a aussi écrit sur beaucoup de filles. Sur beaucoup de tatouages de filles. Ouais. Carpe diem. Ah, voilà. C'est horrible comme c'est tatouage. C'est un peu hédoniste. Qui ne veille là, lui. Ah, c'est. Pourquoi tu parles d'un chanteur qui n'est pas chanteur ? C'est ça. Ouais. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. J'aime bien l'écouter. Merde. Oh, ouais, oh, oui, oui. On c'était bien, c'était bien. Pourquoi pas, mais bon. Chacun ses goûts. Oui, non. La scène qui chacun son. Coupe-lui son micro, coupe-lui son micro. Aussi, le prof se fait renvoyer du. Ouais, ça aussi, c'est un moment. C'est très émouvant. Il se fait renvoyer avant ou après le suicide. Parce que. Il considère que c'est sa faute. Il va y avoir tout un débat pour savoir c'est la faute de qui. Ouais. Et le père va rien prendre, bien évidemment. Et voilà, et en fait, ça sera la faute de John Keating, le professeur, qui va finir par être envoyé. On a cette scène mythique à la fin où tous les élèves montent sur la table et disent, et l'appellent capitaine, oh mon capitaine. Ouais. Parce qu'au début du film, il demande à ses élèves de l'appeler comme ça. Capitaine ? Ouais, capitaine, mon capitaine. Pourquoi il demande Parce qu'il adore Walt Whitman. Et c'est un début d'un d'accord. poème. Voilà, il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, ce film, il est diffusé dans les universités dans un but éducatif. Mmh. Donc, il fait allusion aux événements historiques qui ont mené à la création des fraternités à la fin du XVIIIe siècle. Oh. Voilà. Fraternité. Fraternité. Franchement, ça. Bah, les universités ont des fraternités. Oui, tu sais, t'as les gamma, bêta, alpha, les geeks. Enfin, tu vois, c'est les noms que tu donnes. Je suis pas très calé aux sororités américaines. Tu sais, pour moi, ils font juste Projet X tout le temps. Non. Non, non, non. Voilà, ce qui est marrant, c'est que chaque fraternité croit que. Comment dire ? Que leurs ancêtres ont créé le. Comment ça s'appelle ? Le jeu ping-pong. Ah, le beer-pong. Le beer-pong, voilà. Lol. Rappelle que l'alcool est à consommer modérément. Sixième fois dans cette tu émission. Vas nous répéter, toi. On va arrêter de parler de t'as boissons. Compris que c'était une émission d'alcool ou quoi? L'alcool est à consommer avec modération. Arrêtez. Oh. J'adore. Tu sais, c'est le gars qui a été payé juste pour ça. Donc voilà, c'est. Bon, je vais vous dire, apprécier la vie telle qu'elle est. Voilà ce que représente le film. Une ode à la vie, à ses moments, à ses envies, mais c'est aussi une critique. Du conformiste dans lequel règne la société actuelle. Donc c'est toujours d'actualité ce film. Voilà, parce qu'à un moment, dans une des scènes du film, ils vont dehors et ils demandent à trois élèves de marcher. Donc ils ont leur propre marche au début et petit à petit, ils vont prendre le rythme du premier qui marche. Donc tu vois, en marchant même, tu vas te conformer au premier. L'effet de groupe, toujours. Et cet exercice est vachement intelligent, c'est vachement malin. Et après, il va dire à ses élèves, marchez comme vous le souhaitez. C'est un peu le principe des moutons. Voilà. Ouais. Et ce professeur de lettres, quelque peu marginal, va apprendre à ses élèves la chose la plus importante à inculquer à une personne, c'est le goût de la vie. C'est beau. Voilà. Ouais, il est tellement beau ce film. Mmh. Ouais, il est tellement, il est tellement juste. Mmh. Bah du coup j'ai envie de le voir là, il faudra que tu me le redonnes off tout à l'heure. Ouais. Part la que je télécharge. Ouais, sache que regarder, quand je parle d'un film, je l'ai avec moi. D'accord. Donc si tu le veux, ah bon, je peux te le passer. Ouais. Pas. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais si je parle du film, c'est que je l'ai avec moi aussi sur une clé ou sur mon disque dur. Ah, j'en profite aussi. Bien, voilà, on est en train de faire du film pirate entre nous. C'est bien évidemment pas du tout punissable par la loi. Non, la dopie n'existe plus, donc OSEF. Non, mais voilà, c'est bon à savoir, comme ça, si les auditeurs le veulent. Kaylan peut très bien vous envoyer. Ouais. Voilà, ça, c'est 10 euros la copie. Ouais. Non, non, 40. Mais voilà. D'accord, mais c'est cool. Ouais, moi aussi, j'aurais bien envie de le voir parce que de toute façon, tous les films que tu parles, c'est vrai, ils sont magiques. Bah, celui-là en particulier, ouais. c'est vraiment un film coup de cœur pour moi. Il n'y a pas beaucoup que je connais des films que tu présentes. Je connais deux noms ou comme ça. Je sais qu'ils sont mythiques et tout ça, mais je les ai jamais vus. Et au final, tu donnes toujours envie de les voir. C'est ça qui est horrible. Mais. C'est le but, hein, de toute façon. Oui. Tu peux parler dans le micro, mec. Pardon, ouais. Non, mais oui, c'est que je parle pas fort, alors. Voilà. Non, c'est que tu parles pas dans le micro. Je vais juste finir en parlant deux autres films vraiment très courts. Là, c'est juste pour... Klaus, qu'il faut que je vois. Ouais, alors, pour une mention spéciale de Klaus, qui est sorti... Ouais, vendredi dernier sur Netflix. Ouais, vendredi dernier sur Netflix. Donc c'est réalisé par Sergio Pablo, qui est le scénariste de Moi, Moche et Méchant. Et là, il redonne goût vraiment à l'animation 2D. Mais vraiment, moi j'ai lâché une petite larme devant le film parce que c'était magnifique. 2D. D'accord. L'animation 2D. Mais c'est tout blanc ça. Ouais, c'est Blanche-Neige et Toy Story, c'est l'animation 3D. Ah bon? Ouais. C'est de la 3D, Blanche-Neige. Toy Story, oui. Non, Blanche-Neige, non, c'est de la 2D. Ah d'accord. Non, Toy Story, non, c'est Toy de la 3D. Story, c'est de la 3, ouais. Ouais. Et là, bah, Klaus, c'est de la 2D. Et l'histoire, bah, c'est l'origine. Klaus, c'est un poisson de Noël. D'accord. Oui, Santa Claus. Ah oui, oui. Pardon. Santa Claus. Du coup, parfait pour suivre justement cette période hivernale qui n'est censée être encore que l'automne normalement. Oui. Qui sera pas très hivernal à mon avis. Mais bon. C'est un bon film à regarder en famille. D'accord. Un film familial. Et le deuxième ? Et le deuxième, bah, c'est un coup de cœur. C'est le film que j'ai vu hier soir. C'est Ford versus Ferrari qu'ils ont renommé Le Mans 66. Ouais, j'en ai parlé dans Starter. Voilà. Bah, justement, j'allais faire allusion à vous. C'est vraiment pour les fans de voitures en particulier. Mais, t'es fan de voitures ? Non, pas du tout. Mais là, avec ce film. Mais t'es fan de film ? Bah ouais, déjà parce qu'il y avait Matt Damon et Christian Bale. Il est mythique ce film. Et j'étais le voir en IMAX et j'étais dans le film. Et vraiment. Voilà, c'est un film qui est réalisé par James Mangold qui dernièrement a fait Logan. Oui. Voilà. Je connais bien il ça. Il pèse dans le game, Logan, un peu. Ouais, ouais, déjà. Ah oui, bah oui, quand même, un peu. D'accord. Et vraiment. Très beau film. Quelque chose à rajouter sur ce film ? Non. Mis à part qu'on doit le regarder à une soirée, j'en suis sûr. Ouais. Ça, c'est obligé. Je pense que je vais y retourner samedi, on le voit. De quoi ? Fort de. Le Mans 66. Merde. Ah, tu y retournes ? Ouais, ouais, j'y vais avec Mathilde. Oh. Voilà. J'en ai parlé, elle fait ah, il faut absolument que je le voie. Je fais bah, si tu veux, on y va, je reviens. Et du coup, c'est un film récent, oui, tourné récemment, mais version 74. Hmm, non, rien. Je crois que j'ai pas compris la moitié. De quoi? Du film. C'est Le Mans versus Ford. Enfin, ouais, c'est Ford versus Ferrari, mais le titre français qu'on a là, c'est Le Mans 66. Ah, 66. C'est-à-dire d'accord. Que Ford va créer une voiture capable de battre celle de Ferrari pour les 24 heures. Oui, du Mans de 1966. Ok, voilà. Je m'étais arrêté en 76. Il manquait 10 années. Enfin, j'avais 10 années de trop, c'est pour ça. Pour nos amis de Starter, ça doit être très voilà. Intéressant ce film. Alors, aussi. Déjà, parce que. Ouais, ouais, mais il est... à voir, hein, je dirais. Voilà, parce que Christian Bale joue le rôle de Ken Miles, qui a vraiment existé, hein, et qui connaît très bien les voitures. C'est un truc de dingue. Il comprend les voitures. Et quand j'ai vu le budget pour produire le film, c'est hallucinant. C'est combien ? 97 millions. Ouais. Ouais, donc c'est ridicule, 97 millions. Hein ? Non. Ah non, pour non, un film, pas ridicule. On aimerait bien avoir non, ça déjà. Ça va. Oh, déjà, non, c'est pas. Enfin, je dis ridicule, c'est peut-être trop ridicule de dire ridicule, mais c'est pas extraordinaire. Ouais, c'est pas, la moyenne, c'est 150 millions. Comment ça peut. C'est un petit budget. D'accord, bon. Je sais qu'ils ont mis 2 ans pour réaliser ce film, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas encore regardé toutes les infos. Parce qu'ils voulaient que ce soit le plus réaliste possible, du coup, ils ont. J'avais vu ça dans une chronique. Ça, c'est pas impossible, vraiment. Je suis pas sûr de mes sources, mais il me semble. Pour moi, il est réussi. Ouais. Et il est touchant. D'accord. Là, on va voir Ismaël, ça va être ton moment. Notre cher invité. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. des Packer Rangers reviennent après une petite pause. Exactement, mais je voulais te teaser d'abord. Bah teaser, je vais vous parler de singes. Nous les singes, qui sommes-nous? Bah Teddy, Jolan, Antoine. Voilà. D'accord. Les autres sont humains. Alors tu vas nous parler de la planète des singes? Ouais, c'est un peu ça, si. La planète des singes versus les autres. D'accord. Eh ben on va écouter ça après Tiffany Alvord alors. Voilà, ce sera on parlera de Ancestors the Humankind Odyssey, un jeu sorti en septembre dernier. Ouais, et puis maintenant une petite Non, page on n'a pas le droit de dire pause. Non, pas de page de pub. On dit pas pub. Bah trop tard, je l'ai dit. Bah voilà. Bon bah OK. OK, on vous a menti, il y aura pas Tiffany Alvord tout de suite, mais avant, une pub. Il y a la publicité. Okay. On assume. Histoire qu'on ait pissé. À 23h. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. J'ai Exactement. Mis le jingle juste avant la fin de la musique, c'est pas correct. Ouais, ça voilà. C'est bizarre, mais On avait un espèce de mélange artistiquement parlant dégueulasse. Et on avait notre belle voix de. On entame la dernière partie des PK Avengers. Ouais. C'est déjà la dernière. Ouais. Ça arrive, c'est comme ça. On est légèrement en retard, il est 23h. Du coup, ça va terminer à 23h20. Oh là, c'est 23h à peu près. Indestar, on est toujours en retard. Quand on aime, de toute façon. Indestar, c'est la SNTF. Toujours en retard, jamais à l'heure. C'est pas faux, c'est ça pas commence ni en avance, ça commence ni en retard. Ça commence à l'heure, mais ça arrive en retard. Donc voilà. Et ouais, c'est à l'honneur avec les PK Avengers. Et dans cette partie, évidemment, on va parler des actus. Alors, oui. Je devais pas parler de mon jeu. Bah si. Ah si, j'ai oublié ton jeu. Bah ouais, va pas le zapper. C'est notre invité, et puis tu veux pas. Oui, mais du coup, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Oui. Mais oui. Oui, bah sinon voilà. Après, et on se retrouve. Et ton conducteur, il tire à quoi? Attendez. Voilà. Alors, nous allons parler tout de suite du jeu de d'Ismaël. En vrai, ça me dérange pas. Hein. Je suis avec des singes. Je savais que t'allais oublier. Hein. Tes neurones n'ont pas été assez développés. Je zappe souvent des personnes comme ça. Ça arrive. Tes ancêtres m'ont oublié de développer un certain point neurologique, mais c'est pas grave. La mémoire. Ils ont pas sauvegardé au bon moment, c'est pour ça. Sauvegarde déjà. Le mot sauvegarde. C'est pas dans mon vocabulaire. L'espèce Teddy est en voie de disparition. Et heureusement, non, je déconne. Non, je te confirme là-dessus. Je suis méchant. Attends, je voulais dire un coucou à Fatih 90. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, quand tu dis des bisous, le salam, je sais pas si c'est. Ah oui, c'est Fatih. Bah oui. Je sais pas si c'est le salam, genre le salami, t'as oublié le i parce que j'aime le salami, donc merci. Ou si c'est juste salam, tu sais, parce que tu es peut-être d'une certaine ethnie. Voilà. En même temps, Fatih. On fait pas d'amalgame, mais Fatou, Fatih, voilà, Fatoumata. Fatima, plutôt. Fatih, pour répondre à ta question, c'est un intervenant qui est venu la semaine dernière. Ouais. D'accord, bah bonjour à toi et bonsoir Fatih, avec si t'es encore présent. On leur fait des bisous d'ailleurs, et merci de nous écouter, John, évidemment. Et du coup, cette fois-ci, on t'a remplacé, Fatih. Voilà, tu ne pourras plus venir, je suis désolé, non, je déconne. On a déjà notre... Salam. Salam alaikum. On dit alaikum salam. Quand on répond, Malikoum Salam. Ouais, pardon. Alikoum Salam, pas Malikoum. Bon, les gars, je connais que des trucs d'arabe, mais bon, déjà, je vais me faire taper. Bon, on va arrêter de parler une langue sur laquelle on va se faire défoncer. Essayons de faire ce qu'on sait faire. On parle bien la France. On va parler jeux vidéo, ça, au moins, ça va. Oui. Ça correspond au PK Avenger. Du coup, je vous traitais un petit peu de singe tout à l'heure, mais selon une théorie, vous connaissez la théorie de Darwin. Comme quoi, on descend du singe. Après, t'as ceux qui disent qu'on descend des poissons, d'autres des microbes, et d'autres que c'est ils ont Dieu. Tous voilà. Plus ou moins raison en même temps. On descend des oranges. Oui, non, c'est vrai. Ouais, c'est dédicace au gâteau à l'orange voilà. De Mégane, oui, qu'on vient de manger, qui est délicieux d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on était en retard et que Jolan a trifouillé tous les boutons. Ouais, voilà, j'ai fait mes le gâteau à l'orange, ça l'a excité. Je suis allé voir l'écran, j'ai fait mes putains, comment je dans 10 secondes, ils sont en train de bouffer. Comme d'habitude. Moi, ça me dérange pas d'avoir une autre part. C'est de la faute de Mégane. Donc, du coup, je vais vous parler de ce jeu Ancestors the Humankind Odyssey. Déjà, le titre. C'est tout en anglais, on se dit putain, c'est quoi ce truc de ouf ou de merde? Je pense que c'est plutôt de merde. Tu dis tu c'est l'as trop en long. Ascenseur de l'humanité. Non, Ancestors, c'est les ancêtres. The Humankind Odyssey, c'est l'Odyssée humaine en gros. D'accord. Tu sais, c'est un peu comme l'Odyssée de l'espace, mais c'est l'Odyssée humaine. Ou l'Odyssée d'Homère. Ouais. Voilà. Et donc c'est un jeu vidéo qui est de survie. Hein, il fait les grands yeux. J'ai pas la référence. Non, c'est pas, Moi non plus, mais c'est pas grave. Il y a des Odyssées. Il y a des Odyssées, telle l'Odyssée de. Il y a des Odyssées. Il y a des Odyssées, ok, oui. Non, tu connais pas, c'est Homer. Alors. Bah, bon, c'est pas grave. Je le connais pas, c'est Homer à part Homer Simpson. C'est pas grave. C'était un. J'ai même pas envie d'expliquer. C'est pas grave. Bah, tu connais Ulysse. Oui. Bah voilà, c'est Homer qui a écrit le personnage d'Ulysse. Ah d'accord. Ouais. Ah bah c'est aussi simple que ça. Ah, bon, c'est un écrivain. Tu vois le grec, le cheval de Troie. Voilà, c'est Homer. Oui. Ah d'accord. Okay. C'est Homer qui était dedans. Il est bon ce mec. Hein. Bah ouais. Oh, d'accord. Du coup c'est un jeu et de survie. Du coup il a fait un cheval de Troie. Non, du tout. Alors du coup c'est un jeu vidéo qui va vous faire revenir simplement 10 millions d'années en arrière selon la théorie de Darwinisme toujours, puisque aucune théorie n'a été validée. C'est un jeu donc de survie, ça a été développé par Panache Digital Games et édité par Private Division. Il est sorti non pas en septembre parce que je me suis gouré tout à l'heure, mais le 27 août de cette année, mais je l'ai acheté en septembre, c'est pour ça, voilà, ouais, pour ça le tester sur Windows. Et là il va arriver là le 6 décembre sur PlayStation et Xbox One. Et ce qui est bien c'est que c'est un jeu, il est conseillé de jouer à la manette parce qu'au clavier c'est injouable. Ouais, franchement c'est injouable ce et oui clairement tu meurs dès le début quoi, c'est pas drôle. Ah ouais. Tu regretterais presque de l'avoir pris sur PC. Non parce que je joue sur ma manette Xbox sur PC. Ouais. Donc je suis très content de l'avoir sur PC et justement au niveau graphisme c'est un des gros points positifs, j'en reviendrai tout à l'heure. Et du coup, vous connaissez peut-être ce nom Patrice Désilé. Qui c'est celui-là? Si je vous dis les sagas Assassin's Creed. Ah bah oui. Ça vous dit pas quelque chose? C'est pas familier pour vous Assassin's Creed? Si, Assassin's... Oh bah, si, oui, si. Ah mais si, avec Michael Fassbender, ouais, j'adore. Voilà. Non, pas du tout, pas le film. Non. Bref, c'est forcément des jeux qui sont passés près de votre radar en tant que geek ou joueur. Sur ce, en tout cas. Chez moi, Il faut savoir qu'en fait, certain Patrice Désilé, c'était le directeur créatif à l'origine de la saga Assassin's Creed. Ah. Mmh. Voilà, donc en fait, il faut savoir que les gameplays se ressemblent vachement justement au niveau de quand tu grimpes, etc. aux arbres, bah t'es dans Assassin's Creed, en gros limite, c'est même ça. Et du coup, il a quitté Ubisoft pour voler de ses propres ailes et voilà quelques années plus tard ce que ça donne. Alors qu'est-ce que c'est Ancestors globalement, votre avis, à votre avis qu'est-ce que ça peut être Ancestors? C'est un jeu de survie, je vous ai dit, dans l'espace. Ça se passe 10 millions d'années dans, en arrière. Ah bah non, pas dans l'espace. C'est pas la préhistoire non plus. C'est bien avant la préhistoire. Ouais, parce que tu ne sais pas faire de feu. Est-ce que ça serait pas du Ark? Du arc, non, du tout. C'est au tout début de l'humanité. Ouais, c'est simplement le début, c'est-à-dire que t'es un singe et tes neurones se développent. Waouh. Ah, mais je crois que j'en ai déjà entendu parler de ce jeu. Alors, on pourrait penser, un jeu de survie, il faut que tu construises des bâtiments. Peut-être pas des bâtiments, des compétences, des talents. Tu passes de génération en génération. Ouais, c'est ça. Si t'as pas de neurones, ton personnage, il est complètement con. J'ai trouvé vachement intelligent ce jeu. Non, c'est un jeu très très intelligent. C'est vraiment pas... J'y ai joué. Je joue énormément à des jeux de construction, de gestion, etc. Celui-là, en jeu de survie, parce que j'en ai déjà fait, c'est le plus complet et surtout le plus complexe, parce que tu dois gérer tout ce qui est la neurologie, la biologie. Tu dois gérer les mutations génétiques, la génération, quand est-ce que tu sautes une génération, parce qu'il faut faire ken tes singes entre eux, enfin je les appelle les singes parce que c'est pas des humains pour moi. Non mais c'est vrai, ils sont tout poilus, t'as la singe femelle et le singe mâle, ils font deux bébés chacun. D'ailleurs ce qui est bien c'est qu'ils ont évité l'inceste, tu peux pas faire des bébés, enfin la reproduction entre les singes de la même famille. Ça même toi tu veux pas des singes autistes des bébés. Le mouvement LGBT va pas être content. Excusez-moi, hein, j'ai rien contre les autistes, mais bon c'est que à l'époque la sélection naturelle, voilà, et puis je sais pas, c'est dans leur politique. Ils se sont dit aujourd'hui ça serait trop bizarre. La dignité c'est mal. Bah, surtout dans le nord de la France. Mais bon bref. J'osais pas le dire mais... Le ch'ti hibou trisomique. Ouais, t'as vu Bunaimin toi? Oui. Voilà. Voilà, merci. Excellent Bunaimin bien sûr. Un chinois marrant. Chinois extrêmement marrant et je crois que le rythme il est resté dans les loges. Bon bref, on va arrêter de parler de sketch. Donc pour revenir, donc on est 10 millions d'années en arrière. Faut survivre dans l'Afrique du néogène en évoluant. Donc vous allez rencontrer plein de d'OG et des paysages magnifiques, ça c'est vrai. Je reviendrai sur la partie graphisme encore plus tout à l'heure, mais c'est vraiment génial. Faudra aussi étendre votre territoire pour votre clan, parce qu'en fait, quand vous explorez dans Ancestors, je vais pas dire tout le titre à chaque fois, vous avez ce qu'on appelle la peur, c'est-à-dire la peur de l'inconnu, parce que vous êtes neuronalement trop con pour comprendre que ça vous doit pas vous faire peur une plante au loin, tu sais, que tu ne connais pas. Sauf que en fait, tu es obligé d'inspecter tout et d'apprendre. Et en fait, à force de faire les choses, tu n'as plus peur. Oui, non, mais c'est très bizarre. Je crois que t'as convaincu Megan. Voilà, mais... Surtout au niveau de la plante qui te fait trop peur. Ah, t'es trop con. Bah. On l'a perdu. Il y a pas des prédateurs. Si, il y a aussi des prédateurs, mais j'en reviendrai après dans la prédateurs. Partie. Ah, des prédateurs. Non. De toute façon, ils protègent la forêt. C'est des alliés de Greenpeace. C'est vrai. Donc, comme on disait, il faudra aussi évoluer, que ce soit au niveau neurologique, de génération en génération. Il y a les seniors, les adultes, les enfants. Il n'y a pas d'adolescents. Bon, en même temps, à l'époque, je suis pas sûr que ça existait. Et voilà, tu transmets ton savoir. Et donc, au niveau du gameplay, déjà, je vais vous dire bienvenue dans la jungle. Parce que ce jeu, c'est un jeu où on te laisse dans la merde du début à la fin. Tu... Welcome to the jungle, ouais. Johnson. Non. Ça peut être chiant comme jeu au début un peu, non ? Bah, en fait, c'est un jeu qui s'apprend dans la douleur, clairement. Ouais. C'est un jeu pour masochistes. Sadomaso aussi, si ça vous intéresse. Un petit peu à la Dark Souls, mais en beaucoup plus punitif. Parce que Dark Souls, ton perso, il revit. Et puis voilà, t'as quand même des chances. Là, tes persos, quand ils meurent, ils meurent. Et si ton clan meurt, bah, c'est game over final. Et c'est tout. Et sachant qu'au début, tu commences avec 4, 6, 6 singes, c'est pas beaucoup. Sachant que dès que tu te prends un prédateur, généralement, tu meurs. Tu en l'es pris souvent. Oui, non mais quand, au début, quand je lisais les tests faits sur certains sites, ils disaient mais vous allez pleurer au début, vous allez pleurer parce que ce jeu est ultra dur. J'ai pleuré, j'ai recommencé 6 fois le début du jeu. Voilà, avant de. Donc, je veux. Tue tous ces singes et les envoie là-bas, toi. C'est un monstre. Ça donne envie d'y jouer. Bah, en tout cas, de toute façon, vous êtes prévenus puisque les développeurs au début, ils vous disent. On vous souhaite bonne chance en affirmant qu'on ne vous aidera pas beaucoup. En fait, ils vous aident pas du tout. Ils vous disent, faut faire ça, mais pour faire évoluer. Par exemple, je sais pas, nous, quand on prend l'objet dans la main, c'est naturel pour nous, c'est pas compliqué. Là, je viens de prendre une boîte de jeux vidéo à la con. Non, je rigole, il était très bien, Chronos. À la base, ils savent prendre des objets dans la main, vos singes. Sauf qu'ils savent le faire que dans une main. Faut que t'apprennes, en évoluant le neurone, en développant ta motricité... Oui, déjà, mais vous vous rendez compte, faut développer la motricité. Après, il y a la dextérité, il y a l'intelligence. Attendez, tu je les ai tous notés. Ça fait que du Toulouse après, c'est genre, t'as la force. Ouais, t'as le sens qui correspond à l'odorat et les sons que tu vas entendre. Ouais. T'as la communication aussi, parce qu'il faut communiquer avec les autres singes, les animaux, etc. leur faire peur. Ça peut pas être évolué, ça aussi. Ah oui, non. Ah bah non, quand tu fais peur, tu dis. Je fais très mal, et il y a l'intelligence qui correspond à la vue. Merci, ça fait très plaisir. En fait, tu te retrouves dans le début de 2001 d'Odyssée de l'espace. Sûrement, j'ai pas vu le film. Il faudrait que... Tu commences avec des singes. Ouais, bon, parfait. Voilà. Et donc, une fois que tu arrives là-dedans, faut que tu t'amuses, en fait, à chaque fois, à mémoriser et à inspecter tout. C'est-à-dire que tu vas utiliser ta vue pour dire « Oh, tiens, ça ressemble à un objet. » Et au début, tu peux faire ça qu'un objet par un objet. Quand, par exemple, tu as deux fois le même arbre à côté, tu vas pas savoir que c'est deux fois le même arbre. Donc, tu imagines... Je vous dis, donc je le dis en antenne tout à l'heure, j'en ai déjà parlé avec l'équipe. C'est un jeu à la base sur les tests où il disait ouais, en 50 heures vous allez faire le tour. J'ai fait 50 heures, j'ai fait que 10% du jeu. c'est deux jours entiers. Et je peux vous dire que j'ai toujours hâte de voir la suite. Et il faut savoir que c'est pareil, le but de ce jeu, parce qu'il y a quand même un but, vous allez dire ouais, c'est bien, c'est de la survie, mais c'est quoi le but ? Il y a quoi gagner ? En fait, c'est d'évoluer plus vite que soi-disant nos ancêtres il y a 10 millions d'années. Donc ça va être fait par de l'exploration. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir gérer sa peur, les prédateurs, savoir se défendre. Ça va être aussi par tout simplement trouver des objets, genre du diamant, de l'émeraude, etc. Et ça va être aussi justement en se battant contre la faune et en la conquérant, tout simplement. C'est-à-dire en tuant des tigres à dents de sabre, en gros des smilodons, des éléphants, des hippopotames, rien qu'un phacochère géant, je précise, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Surtout que dans ce jeu, pour pouvoir évoluer, vous devez avoir un petit singe avec vous à chaque fois. Votre fils ou votre fille. C'est-à-dire que ton personnage n'est pas capable d'évoluer parce que tu ne transmets pas des neurones. C'est en gros, quand tu prends ton petit sur le dos, c'est lui qui va apprendre. Putain. Donc si ton mâle meurt, enfin si son personnage adulte meurt, tu prends le relais sur le petit et si le petit meurt, bah t'es niqué. T'as perdu toute ta progression jusqu'à là. Oh la vache. Oui, c'est très punitif. Hein. C'est frustrant de ouf. Hein. C'est très frustrant, mais une fois que tu connais le gameplay et que t'as un peu évolué, c'est plus agréable. En fait, toi-même, tu évolues pour pas faire les mêmes erreurs. C'est ça. Ah ouais, non, mais c'est un jeu très punitif. Tu dois t'adapter en permanence dans le jeu, en fait. Oui, totalement. Et du coup, par rapport à ce jeu, un petit peu, les points forts, c'est déjà que le concept est vraiment très intelligent de se dire faut faire évoluer les neurones. Les neurones, la motricité. Ouais, oui. C'est par exemple, franchement, rien que le fait d'échanger un objet dans la main, genre de. Passer de la main droite à la main gauche, c'est un truc que tu vas devoir apprendre à faire et débloquer. Le fait de porter un objet à deux mains, tu vas devoir apprendre. Au début, tu marches à quatre pattes. C'est super long pour réussir à marcher à deux pattes sur tes deux jambes, mais c'est un truc de taré. Sur 50 heures, c'est qu'au bout de ma deuxième partie de 50 heures que j'ai réussi. Ah vache. Il faut que tu t'amuses à marcher dans des rivières dans le sens inverse parce que le courant te force à rester debout parce que sinon tu te casses la gueule en arrière. Enfin, c'est très réaliste. Ouais, t'en as perdu en se noyant. C'est sympa le concept du jeu, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et puis au final, comme c'est très punitif, quand t'arrives à progresser, bah t'as un vrai sentiment de joie, t'es content, là, t'es là, oh oui, mais putain, j'ai réussi. Tu découvres la patience. Ah ouais, non, mais faut être patient. Et c'est pareil, je vous ai parlé un petit peu qu'il fallait gérer les neurones, etc. Mais il y a aussi la bouffe, la faim. Les maladies et le dodo les envies naturelles. Non, les envies naturelles, il y en a pas justement. Ah. Mis à part le sexe où t'es obligé de le faire pour avoir des bébés. Parce qu'il faut savoir, ce jeu est très punitif au niveau de l'évolution. C'est que pour une naissance, tu gagnes 10 000 ans d'avance sur la science. Mais pour une mort, tu perds 25 000. Oh les bâtards. Donc, il te faut 3 naissances pour rattraper une mort. Sachant que les singes, t'en trouves pas tout le temps. Hein. Une fois que t'as fait le tour et que t'as fait niquer tous tes singes, bah tu peux plus niquer entre eux, parce qu'après ça devient de l'inceste. Donc t'es vite bloqué, donc faut vite passer de génération pour aller rechercher d'autres singes et refaire d'autres enfants. Enfin bref, c'est très compliqué. Galère, quoi. Génial. Ouais. Voilà, un vrai sentiment de progression, c'est pareil pour les prouesses d'évolution, c'est vraiment très très gratifiant quand tu réussis. Mmh. L'exploration et la curiosité sont systématiquement récompensées. Genre déjà, quand tu découvres une pierre, t'es content parce que t'avances énormément dans les âges. Putain, une pierre. Non, bah, vous foutez, mais rien que, je sais pas, faire un bâton un petit peu en pointe, ça vous prend au moins 5 heures de gameplay. 5 heures de gameplay pour un bâton. Après, tu peux les faire un petit peu à la chaîne. Parce que dans la communication avec les singes... Comment tu peux réussir à rester calme devant ce genre de jeu? Parce que c'est passionnant, la bande son, elle est géniale. En fait, t'es trop dans l'exploration, sur le moment. Immersif. T'as pas le temps, ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'étais vraiment submersif. Graphiquement, il est comment, ce jeu? Il est exceptionnel. Enfin, moi, il y a des gens qui le trouvent genre plus digne d'un truc de 2013-2014, alors que c'est sorti en 2019. Personnellement, j'ai joué dessus en moyen. Et ça m'a pas du tout choqué, au contraire, j'ai trouvé ça très très beau. Après, le seul bémol, c'est peut-être. Enfin, il y en a plusieurs, c'est surtout la caméra qui est un peu trop rapprochée. Ah. Ce qui, par des moments, ça entrève ta visibilité et la lisibilité du moment. Genre. C'est un jeu en troisième personne, ce serait cool. Ouais, troisième personne. Le smilodon. Le smilodon, faut savoir que c'est le prédateur ultime. Tu l'entends pas, tu ne le vois pas, tu peux juste le sentir. Est-ce que tu sais si tu pourras en tuer un jour? J'ai déjà réussi en fait, le smilodon, tu le tues juste avec un bâton aiguisé et en pointe. Mais c'est que t'as des timings pour les esquives et les contre-attaques. Ah ouais, c'est chaud. C'est-à-dire que si tu rates ta contre-attaque. Déjà que t'as du mal à faire passer un objet d'une main à l'autre alors pour contre-attaquer. Non mais simple, la contre-attaque, toi t'es un singe. T'es là, voilà. Tu veux attaquer un smilodon, tu te jettes dans sa gueule, il te bouffe. Bah c'est logique. Oui, mais tu vois, juste avec un coup de poing, tu veux lui mettre un coup de poing, c'est ce que tu dis quand tu vas contre-attaquer, un coup de pied, quelque chose, et que tu l'as réussi. Bah non, quand tu l'as réussi, tu te fais bouffer. Par contre, si t'as un objet dans ta main, tu vas pouvoir l'assommer avec une pierre, une noix de coco, tu vas pouvoir lui planter et lui faire et le tuer avec un bâton aiguisé. T'as déjà attaqué un smilodon avec une noix de coco? Oui, tu peux. La noix de coco, elle se casse. L'humiliation. Le smilodon, il se casse, mais il revient deux secondes après, je te rassure. L'humiliation. Tiens, je te jette une noix de coco. Donc voilà, après la map elle est géante et faut savoir que la map elle évolue quand vous changez aussi de génération, c'est-à-dire que les arbres grandissent, etc. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, une fois que t'as fait le tour de l'île, t'as plus de singes une fois que t'as trouvé tous tes singes. Mmh. Donc faut que tu changes de génération et ça repop, on va dire. Ça repop, mais surtout, faire le tour de l'île, tu le fais pas. L'exploration, c'est énorme. Hein. La map. Est-ce que tu considères ça comme un open world ou pas? Oui, c'est un open world total. Ah oui, t'es vraiment totalement libre. C'est un jeu où t'es totalement libre. Laisse à toi-même, mais c'est des merdes, toi. Crève ou crève pas. Okay. C'est ton choix. Voilà, puis du coup, donc des graphismes à mon goût vraiment très réussis et beaux. Après un sentiment de faire corps avec l'univers et d'en devenir maître grâce à nos actions et à elle seule, j'ai un peu exagéré. Peut-être pas non plus. Tu deviens pas spécialement le maître de l'univers. Non, parce que l'univers te chie dessus quand même. Oui. Oui, non, clairement, parce qu'au début t'as pas d'araignées, t'as juste des serpents, des phacochères, des crocodiles et des smilodons, c'est déjà compliqué. Après t'as les espèces de gros insectes mais géants, des human centipèdes limite. Des mille pattes mais géants, qui t'attaquent et qui te bouffent un singe. Après t'as les aigles géants, enfin c'est un truc de taré. En fait, plus tu passes de générations et de millions d'années, plus c'est difficile parce que tes singes évoluent aussi. Et t'as pas de dino, c'est déjà bien. T'as pas de dino, non, faut pas abuser, il y en avait plus à cette époque-là. Ça serait trop bon. Voilà. Oui, d'accord. Et puis donc, du coup, après, dans les points négatifs, il y avait la caméra, il y a l'interface qui manque un peu de finesse à des moments, t'es là, mais c'est pas très beau, c'est pas très bien fini, ça manque de quelque chose. C'est un peu bâclé. Ouais, enfin non, c'est pas bâclé, c'est juste que ça manque de finition. Ils auraient pu aller jusqu'au bout. C'est déjà très bien comme c'est, mais l'excellent était pas loin, on va dire. Et la mort est vraiment trop punitive, comme je vous le disais, par rapport aux naissances. Genre, tu fais deux bébés, il y a quelqu'un qui meurt dans ton clan. d'une mort non naturelle, bah t'es niqué, t'as perdu 5000 années quoi. Donc c'est pas très cool. Et le but du jeu, qui est compliqué et qui va sûrement rebuter déjà beaucoup plus d'un au début, parce qu'il faut avoir le cœur accroché et ne pas pleurer la mort de ces petits singes. Bah, pas pleurer, mais est-ce que c'était déjà arrivé de rage quitter un jeu et de plus jouer du tout à ce jeu parce que t'as, dès le début ou pas loin du début, t'as... Dark Souls 3, c'est un jeu, j'adore les jeux comme ça, de combat, etc., où tu butes des mobs et tout, des boss. Ouais. J'ai commencé Dark Souls, je jouais à la manette, ça voulait pas. Bon, c'était une version craquée, excusez-moi, voilà, parce que j'avais pas les thunes à l'époque. Et le gameplay était... Je sais pas, j'ai pas aimé. Le premier boss, je l'ai tué une fois, je vois qu'il passe en phase 2, et là j'ai jamais réussi à le tuer. Ah. Avec 3 heures de jeu, j'ai fait, ouais, c'est bon, j'arrête, c'est bon, on arrête le massacre, quoi. Et pourtant, je suis resté plus longtemps sur Ancestors, mais c'est différent parce que chaque partie est différente. À chaque fois que bah tu revis oui. et que tu recommences, bah les animaux sont pas au même endroit. Tu sais du coup que tu dois pas faire cette erreur-là, alors que dans Dark Souls, bah c'est juste une question de timing. C'est ça. C'est ouais, voilà. Un peu débile. Là, il y a pas de timing. C'est si t'as pas fait attention, Antoine, tu te prends le serpent, quoi. Toi aussi, t'as déjà eu des jeux où que t'as rage-quit comme ça. Oui, mais non, non, attends, pas rage-quit, genre ah ouais, ça me saoule et puis voilà. Mais genre t'as plus joué au jeu du tout. Oui. À ce jeu-là. Lequel ? En vouloir. Assassin's Creed. Pourquoi on t'en voudrait ? Il n'y a pas de grand fan ici. Si, ça dépend lequel. Réponds, sacre Dieu. Je crois que c'est le 3. Et, vas-y, explique-nous pourquoi t'as c'est ragé. Tant que c'est pas Black Flag, en c'est fait, bon. Si tu veux, c'est pas c'est que ça me... D'un côté, c'est qu'il y a une mission que j'arrivais pas. Ouais. Et de l'autre côté, je trouvais que c'était trop long à faire. D'accord. Donc moi, j'ai rage quit, j'ai pris le jeu, j'ai fait vas-y. Hop, reste là, t'es bien là, moi je continue à jouer autre chose. T'es un gros fan de Assassin's Creed, toi, Ismaël ? Enfin, c'est pas être un gros fan, c'est juste que j'ai adoré le Black Flag. Mon premier Assassin's Creed, c'était Black Flag, l'époque des pirates. Alors, moi, j'ai toujours adoré les pirates, Pirates des Caraïbes, etc. Alors que ce sont tous des vrais connards, en vrai. On idolâtre les pirates, mais c'est vraiment des connards. Allez voir des documentaires sur Netflix, vous verrez, c'est très impartial là-dessus. Ils les traitent pas de connards, puis de... Enfin, bref, voilà. Et ça m'empêche pas de les aimer. Et une fois que j'ai commencé Black Flag, bah après, j'ai joué à celui sur la Révolution française. Et là, récemment, Odyssée. Oui. Comme par hasard, donc l'époque gréco-romaine. L'excellent celui-là, j'ai vu des. Et enfin, Grèce antique, pardon, pas gréco-romaine. Et j'ai surkiffé à chaque fois, franchement, le gameplay, le fait de jouer assassin, ou alors d'être un gros bourrin. Enfin voilà, il y a quand même. Et puis l'histoire. Moi j'adore les histoires dans les jeux vidéo, c'est surtout ça, parce que je lis énormément de livres aussi. Et dès qu'il y a une bonne histoire, bah, je suis forcément plongé dedans. Ouais. Mais en plus, c'est super immersif Assassin's Creed, parce que ça devient très cinématique maintenant. Oui. Genre, tu regardes un film, quoi. Ouais, c'est vrai. Et justement, le film, quand il était sorti. Il y a beaucoup de fans qui étaient là, oh, mais ça ressemble pas à Assassin's Creed. J'étais là, bah si, c'est juste que ça a été remanié pour que ça soit accessible au grand public, ceux qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, qui ne connaissent pas du tout. Et justement, j'étais là, mes amis, mes parents qui n'ont jamais joué, et qui sont pas du tout geeks ou gamers ou qui jouent aux jeux vidéo, ils ont compris, ils ont bien aimé au contraire. Un bon film d'action, voilà. Alors moi j'ai compris, mais j'ai pas aimé. Voilà. Ah, c'est gay là. Bah, faut bien des avis de tout le monde. Hein. C'est quand même ceux qui ont regardé Warcraft le commencement qui disent bah, c'est nul. Moi j'ai adoré parce que déjà je suis. Tu te sens pas moi, non, ça par contre visuellement. Ouais. Ça claque. Ouais. Enfin, voilà. Ah, c'est une claque. Visuellement, rien que pour ça, ça et vaut 5. Tu vas faire un deuxième ou pas? Alors, ça dépend en fait par rapport à Warcraft sur ce que disent les gens qui ont fait le film. Ils aimeraient parce que c'est des geeks et des fans en même temps. Mais le problème c'est que. Pas mal d'histoires, hein, tu peux faire. Ah oui, non, mais le lore de Warcraft c'est monstrueux, tu pourrais faire 10 ans de film là-dedans. Bon, ça pourrait faire un Star Wars, hein, 10 épisodes, y a pas de souci. Même un Marvel Universe. Mais le souci c'est que par rapport au coût de production, parce que c'est énormément de 3D, d'images de synthèse, etc., ça a rapporté, je crois, 10 millions au total. C'est, en fait, il n'y a pas eu assez de bénéfices pour se dire est-ce qu'on veut vraiment en refaire un deuxième. Pas assez de recettes. Ouais, malheureusement. Donc, merci les Américains, parce que ça a cartonné partout sauf en Amérique et c'est les États-Unis qui ont toujours. J'ai posé la question à Antoine et à Ismaël, mais je t'ai pas posé la question à toi, Jolene. Oui, dis-moi. T'as rage-quit un jeu ? Enfin, définitivement ? Définitivement, non. Non, t'es trop passif. Non, je suis pas. T'es pas patient, mais. Non, passif. J'ai pas dit patient. Non, je suis patient. Du coup, j'ai envie d'aller jusqu'à la fin et de comprendre pourquoi j'y arrive pas. D'accord. Je me torture un peu l'esprit, hein, c'est bizarre. Mais... Si, j'ai rage-quit Cuphead. Cuphead ? Oh, putain, ça me parle ça. C'est sorti il y a un an ou deux. Avec les Animaniacs ? Avec les quoi ? Les Animaniacs. Non, c'est pas ça. C'est pas. Ah si, c'est deux tasses. Ouais, voilà. C'est les deux tasses là qui doivent affronter des boss et des stages. Un peu comme dans Mario et tout, sauf que tu fais piou piou piou piou. Ouais. Et c'est super hardcore, rien qu'en facile. J'étais là, mais Du coup, j'ai joué avec un pote sur une soirée bien arrosée, malheureusement. Déjà, ça n'aide pas à ne pas rager. Oui. Et j'ai failli lui péter son écran, donc plus jamais je n'y rejouerai. D'accord. Oui, du coup, je me rappelle d'un jeu auquel j'ai rage-kid, c'est Ozu. Je sais pas si vous connaissez. Oh, mais c'est trop bien, Ozu. Mais putain, mais pendant un an, j'y ai pas retouché ses masses. Ah mais tu as retouché après. Oui, après. Donc t'as pas rage-kid. Et dire rage-kid définitivement. Non, définitivement, pas, je ne rejoue plus du tout. Moi, ça m'est arrivé sur Fallout 76. Ah. J'y ai joué, je l'ai acheté. J'étais un T'es pigeon. Content d'avoir acheté ça? Non. Je pouvais pas. Tu peux toujours le revendre. Bah, c'est ce que j'ai fait, hein, mais ça se vend pas très cher, malheureusement. Je l'ai encore. Oui, t'es non pas cher, mon frère, mon frère. Je l'ai mis cher, à vente à 5 euros. Chinois. 5 euros, il se vend même pas. Mais le à 2. Ah oui. Ça vaut que dalle. Je sais pas si vous connaissez Fallout, le concept, tu te bats sur une map en mode survie, donc tu ramasses plein de trucs. Et tu stockes chez toi, voilà, t'essayes d'avoir des objets. Ouais, t'as un coffre avec 400 places. Maximum. C'est tout. Tu peux rien stocker d'autre. Je l'ai rempli en une heure. Je pouvais rien faire d'autre après. Tu sais, il y a un autre jeu que je sais que j'ai rage-kid. Bon. Lequel ? Métro 2033, je crois, comme ça. Est-ce que c'est un jeu de métro ou... Un jeu de gestion de métro, ouais. J'espère que non. Parce... Ça, j'ai rage-kid parce que c'est pareil. Mission que j'ai pas réussi. Ça me mais c'est pas un jeu de métro. Non, c'est un jeu de survie, je crois. Après, ils ont fait un deuxième, je crois. Ouais, je connais pas. Hein. Je connais pas non plus. On se renseignera pour une prochaine émission. Ouais. J'ai l'impression. Métro Exodus, non ? Ça me parle. Je crois que c'est le deuxième, je crois. Ouais, c'est possible. Je connais le nom, mais. Bah, t'es un personnage, tu sais, qui a survécu. Je connais pas l'histoire, hein. Je connais juste deux noms comme ça et la jaquette parce que je regarde souvent des jeux comme ça. Mais bon, je les regarde, voilà. D'accord. Mais en tout cas, pour en revenir à. En testor, ça a l'air cool comme jeu. Non, franchement, bah si vous avez l'occasion de venir D'accord. chez... Non, mais... bah, franchement, si vous avez l'occasion de venir chez moi, c'est quoi, les gars, je vous montrerai. On va créer une petite... une nouvelle lignée d'homo sapiens qui ne sont pas des homo sapiens. Moi, je les ai appelés genre Légio A, Légio B, Légio 2, tu sais, comme dans la Rome, parce que je me suis dit, ouais, je vais faire un empire et tout. En fait, déjà, j'ai appris... récemment que le jeu, tu ne peux pas créer le feu déjà. Tu peux pas aller jusqu'au à faire un feu. Ah. Du coup, tu vas même pas jusqu'à l'homme de pierre, l'homme de Cro-Magnon, la préhistoire. Ah ouais, c'est, c'est triste. Du coup, tu restes toujours tout le temps des singes. Ils évoluent juste un petit peu, ils marchent un petit peu plus, mais c'est tout. Après, déjà, quand t'arrives à là, t'es content. 50 heures, j'ai fait que 10%, je le rappelle. Et je suis un gros geek. Ouais, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux que je dis ? La tristesse, ça arrive toujours. Mais en tout cas, t'as bien aimé le jeu. Ah oui, moi je le recommande, franchement. Bah, les notes sur je prends jeuxvideo.com pour le test, eux ils ont mis 16. Les notes moyennes sur une centaine de commentaires de joueurs, c'est 12,5. Sachant qu'il y en a quand même 23 qui sont entre 15 et 20. Ah ouais. Alors, bah, en même temps, il l'avait dit, ça va être très rageant. Il y a 6 personnes qui ont mis entre 0 et 5. J'étais là, non mais les gens, vous foutez de ma gueule, vous avez ouvert le truc, vous avez vu le petit singe au début qui... où tout le monde se fait bouffer et vous vous êtes dit, oh c'est de la merde, je quitte, 0 sur 5. Wow. C'est pour ça, je comprends pas aussi par exemple l'engouement qu'il y a eu pour Dark Souls. C'est un des jeux les plus durs et pourtant il est très connu et tout le monde connaît, tu vois. Il y a tout un. Enfin, tout. Plein de gens qui sont autour de ça. Et oui. Alors que t'as des jeux. Comme en testor, moi comme Elex que je connais, c'est pour ça qu'il me parle bien. Elex c'est un jeu génial en fait, ça pourrait cartonner en fait. Ça a failli cartonner, oui. Juste qu'il était trop dur. Du coup les gens ils bannent. Ouais c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est... Enfin, c'est dès que tu fais des jeux intelligents qui sont là pour les gens intelligents et pas les gens cons, excusez-moi, c'est compliqué. Comme toujours. FIFA, pardon. Comment ? Comme FIFA, je l'ai passé. Allez, ouais. Boum ! Même NBA 2K c'est mieux. Possible. C'est quoi, c'est le jeu de basket? Ouais, basket. Ouais, grave. D'accord. Non, c'est aussi débile. Tu mets des paniers à 3 points, c'est rageant. Tout comme le gars qui marque de son but dans le tien, tu sais pas pourquoi. Soit. Non. Voilà, voilà. On va écouter Funky Street de Hodgebox. C'est un remix. Tu sais pas qui c'est celui-là? Funky Street de Hodgebox. Eh ben, let's go. Pop, pop, pop, pop, pop, polo. Jusqu'à 23h. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Je me suis fait perfect couper, timing avec Jolan, je finis mon pop. Exactement. Po, po, avec toi, polo. Il est parfait avec moi. Ok, j'ai compris. Il y a un message à faire passer. Non, faut que non, je c'est là, non. Oui, il y a Fatih90 qui dit fuck Teddy, go Ismar. Non, je rigole. Ça m'étonnerait. J'utilise le chat vachement à mon avantage. Non. Bon, alors, comme vous l'avez deviné, il est 23h36, on est grave en retard, mais bon. Bon, c'était 23h à peu près, mais là, c'est 23h bien dépassé. Oui. Ouais. C'est 23h45 à peu près, quoi. Ce sera plus minuit, moins le quart à peu près. C'est... Ouais. Mais bon, c'est pas grave, au moins, on a bien parlé, on a bien discuté de trucs. Ouais, c'est surtout qu'en off, on aime parler un petit peu fellation et tout. Ouais, bah ça... Et Clara Morgan. Non, ça, c'est que toi. Non, mais Clara Morgan, elle est usée. C'est clair. Tu sais, aujourd'hui, tu veux pas voir sa moule, tu veux surtout aujourd'hui, pas. Aujourd'hui, on a Miss Delphine, on a tout. Je mange des moules frites à tous les goûts, sauf Clara Morgan. Oh. Il y a Katsumi maintenant. On entame la dernière partie, la partie actu. Alors, on va parler d'actu, évidemment. Oh, mon Dieu, je suis un champion. Waouh. Kélan, ouais. Tu en as, je crois. Tu m'as dit que tu en avais plein. Oh, plein, non, je sais pas, mais j'en ai juste deux. Ah bah, c'est déjà bien. Je sais, voilà, c'est plus, là, c'est une actu télé. Oh. Voilà. C'est juste Alain Chabat qui va être de retour dans Burger Quiz. Super émission. C'est pas mal. Ouais, j'ai jamais regardé l'émission. Non, elle-même. Mais faut de temps en temps. Attends, j'ai déjà vu plein de. Bah, comment on appelle ça? Des podcasts? Non, enfin, non, pas des podcasts, ça se voit pas ça. J'ai vu plein de bouts d'émissions en fait qui passaient sur Facebook et tout ça. C'est génial ce truc. Mais oui, c'est trop bien. C'est génial. C'est des génies, hein, les créateurs de cette émission. C'est clair. Voilà. Et ta deuxième actu? Ma deuxième actu qui est assez cocasse. C'est qu'il y a deux professeurs de chimie, professeurs d'université aux États-Unis, qui ont créé un vrai labo de meth et qui se sont fait prendre. Donc ça rappelle un peu Breaking Bad. Voilà. Voilà. Donc il n'y a aucune histoire de cancer du poumon ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils se sont fait prendre parce que les labos allaient fermer et il y a quelqu'un qui a senti une odeur bizarre. Ouais. Et en fait, il y avait un labo de meth. C'était deux professeurs de chimie. Oh putain, trop fort, la vache. Voilà. Ouais, faut le faire quand même. Ouais. Faut avoir le cul en vrai. Ouais. Et il y a le mec qui s'est vraiment fait appeler Heisenberg. Non. Si. God damn it. Voilà, ils ont été trop loin dans le délire, je pense. Voilà. D'accord. Et du coup, ils sont en prison là ou... Ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, non, mais là, il n'y a pas de questions à se poser. Un gros rocher. Moi, j'en ai quelques-unes des actus. Ah. Vas-y, surtout une principe. Hein. Vas-y, t'es dit. Ça concerne Pokémon épée bouclier qui est sorti. Alors attends, c'était samedi dernier. Je vais y aller moi. Samedi bonne ou vendredi, nuit. Je sais plus. Ouais, on sait que tu n'aimes pas trop Pokémon. Et là, n'aime pas trop Pokémon. Mais je pense qu'on a pas mal de. Je m'intéresse pas à l'univers. Moi, je rejoins Kélan. Je m'en vais avec lui. Hein. Ouais, mais toi, tu peux t'en aller déjà tout court. Ouais, beaucoup de choses, je vais travailler. Bah, allez, au revoir. Mais Pokémon allez. Épée Bouclier qui est sorti il y a une semaine, j'ai eu la chance de l'avoir hier parce que je l'ai pas eu samedi. Parce que voilà, je suis. J'avais pas la thune pour préco. Hashtag rage total, balance ton préco. C'est même pas l'argent qui pose le problème, c'est que je pouvais pas y aller. J'avais trop de trucs à faire samedi, je sais plus, j'étais avec Yann, mais je sais plus quoi. C'est ça, mais il y a trop de trucs à faire en ce moment, donc voilà. Mais je l'ai eu, j'ai geeké un peu cette nuit, je sais pas si ça s'entend de toute façon ou si ça se voit sur ma gueule. Non, pas oui, du tout. J'ai geeké pendant 5-6 heures et ouais, franchement, il envoie du lourd. Je m'attendais à un truc assez pourri niveau, un peu comme à Alola, et au final non, du tout, très agréablement surpris, le concept est plutôt pas mal. J'aime bien le système de Pokémon Dynamax, c'est plutôt cool, même si ça sert pas à grand chose. Faut jamais dire de dit avec. Mais oui, voilà. Et puis il y a aussi le concept des terres sauvages, où qu'en gros tu te balades dans une prairie énorme, où que t'as des Pokémon niveau 50, toi tu viens d'arriver, t'as juste ton petit Pokémon niveau 16, 18, comme tu veux. 18. Tu te fais. Ok, j'arrête. Je m'en vais. Alors là, t'arrives, tu te fais péter la gueule ou tu fuis, ça dépend. Faut être intelligent, faut fuir. J'ai aucune chance de les battre les 50. Mais bon, je trouve ça vachement sympa. Et tu peux même pas les attraper, tu me disais. Non, on peut pas les attraper. Ils ont mis comme concept, grosso modo, si tu rencontres des Pokémon plus forts que toi, pour les attraper, il faudrait avoir des badges. Et comme je n'ai aucun badge, voilà, je suis petit débutant, j'ai fait la route 1-2, puis après Terre Sauvage, et voilà. T'es fucked up, comme on dit. Exactement. Mais bon, moi j'aime bien ne pas suivre les histoires. J'aime bien, tu sais, Fallout, ça a une histoire principale. Moi je pars ailleurs, vous me voyez plus avant un petit moment. Puis je vois des quêtes, après je dis putain, mais attends, ça c'est. Ah ouais, c'est la quête principale. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a des actus? Oui, moi j'ai l'actu, oui. J'avais pas fait attention, mais il y a les Game Awards 2019 là, qui viennent de tomber avec toute la liste des jeux vidéo nommés pour cette année. Oh. Et là, les jeux de l'année, oh, moi, je vais juste citer les jeux de l'année parce que sinon, si on fait chaque catégorie, ça va être très compliqué. Ouais, mais les jeux de l'année, on a Control des studios Remedy et 505 Games. Je sais pas si vous connaissez Control. Pas du tout. Moi non plus. Non. Donc ça tombe bien. On a Death Standing, vous avez sûrement entendu parler. Ouais. Au moins entendu parler, c'est un gros jeu de cette année japonais, donc avec la Kojima Production et SCE. Ça tourne pas mal cette année. Ouais. Il y a le Resident Evil 2 Remastered. Ouais, il a gagné un prix. Ouais, il a gagné, oh, c'est le jeu de l'année, s'il est dans les plus gros prix. On a Sekiro Shadow Twice. Ah bah oui, je l'ai acheté pour mon frère, lui. Je compte en parler dans Peck Avenger. Ouais. Une fois que mon frère l'aura fini, c'est mon tour, mais ouais, il envoie du lourd quand même. Faut que je le teste. Je l'ai à la maison aussi. J'ai pas encore joué, j'ai trop de jeux. Pareil. Là, je viens de me mettre à Borderlands 3 parce que la saison LOL de League of Legends est finie en classé, donc du coup, ça me permet de jouer à d'autres jeux en attendant. Enfin bref, il y avait donc Sekiro Shadow, je l'ai dit. Il y a Super Smash Bros Ultimate de Bandai Namco, Sora et Nintendo. Ouais. Voilà, forcément, jeu de l'année parce que ça. C'était attendu depuis des années. Et The Outer World, je pense que vous avez entendu parler. Other World ? Non, The Outer World. C'est pas un des jeux que tu avais. Non. The Outer World. On n'en a pas parlé ça dans Peck Avenger. The Outer World, ouais, j'ai confondu avec un autre. Ça, c'est sorti il y a pas très longtemps, je crois qu'il y a même pas quelques semaines. C'est de Obsidian et Private Division, donc les mêmes qu'on fait Ancestors, là, le jeu que je vous présentais tout à l'heure. Et c'est un gros jeu d'exploration, de survie aussi, mais futuriste. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, c'est même un peu un FPS. C'est un gros, gros jeu et ça m'étonne pas qu'il ait gagné. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre a des actus? Non. Antoine? D'accord, non. T'as bossé sur... Si, tu vas nous parler de quoi la semaine prochaine? Tu nous l'as dit, je crois. Ouais, le parrain. Le parrain. Si, j'ai une actu pour toi, si tu veux. Vas-y. J'étais voir Retour à Zombieland. Zombieland 2 pas de spoil, j'ai envie de voir. Ouais, pas de spoil, parce que franchement, il est bien. T'as bien aimé? Ah ouais, mais tu tapes des barres tout le long. D'accord. Ah, mieux que le 1, je trouve. Mieux que le 1? Moi, j'ai pas niveau humour. J'ai pas eu ces retours-là. Ouf. Ouais, parce que, et puis c'est sacrément corsé de dire mieux que le 1, c'est rare quand même les films mieux que le 1. Je sais pas qu'il est mieux que le 1. Le parrain 2. Le parrain 2 est mieux que le 1? Non, mais tu vois, on dit que les suites c'est souvent raté. Là, le parrain 2, non, ça l'est pas. Non, d'accord. Parce et que, non, là, par contre, si T2, par contre, c'est beaucoup mieux. T2? Terminator 2, pardon. Je connais pas dans l'ordre, mais. Le jugement dernier. Ah, tu sais que le dernier Terminator qu'ils ont fait? C'est de la merde. Jolan, je te vois regarder ton téléphone depuis tout à l'heure. C'est pas parce que tu nous écoutes pas. Non, parce que t'étais parti chercher quelque chose. Ouais, une actu, Life is Strange, vous connaissez ou pas? La quoi? Life is Strange. Oui, Life is Strange 2. Il y en a deux qui sortent le 3 octobre. Il est en précommande déjà. Donc, Le 3 octobre, c'est déjà passé. Le 3 décembre. Oui, merci. Attends. Life is Strange 2, pas vraiment le 2, tu veux dire. La suite de l'épisode, en fait, en gros. Non, parce qu'il est déjà sorti celui-là. Non? J'ai déjà de Life is Strange chez moi. Bah attends. Ils disent qu'il sort le 3 décembre. Bah j'ai Life is Strange, j'ai Life is Strange 2 Before the Storm. Bah c'est le collector celui-là, pardon. J'ai pas précisé. Ah, c'est la collector. Oui. Parce que sinon j'allais dire, bon, débat pour la semaine prochaine. Qui a raison, qui a tort, faites des recherches. Ah bah, j'ai les deux chez moi, donc j'ai rien à dire en plus. Pardon, j'ai pas précisé, c'est le collector qui est en précommande dès le 3 décembre. Mais sinon t'as le prochain, c'est Life is Strange, mais je sais plus comment il s'appelle, ou que tu incarnes un petit garçon et son père. Ça, c'est un autre Life is Strange. Okay. C'est Neil 1, Neil 2, je sais plus comment il s'appelle, mais bon. Voilà. Voilà. Gaylan ? Ouais, si. The Mandalorian. Non. Non. La Warner a dans l'idée de donner carte blanche à Todd Phillips pour réaliser la suite de Joker. Ah. Oui, j'ai entendu parler qu'effectivement, il y a un jeu Cardo qui est en fait, ça a tellement bien marché qu'il miserait sur des films de vilains dans l'univers DC. Bah, ouais. Ça marcherait bien, l'univers d'ici est quand même assez sombre comparé à Marvel. Et du coup, ça marche mieux pour les films de vilains. C'est vrai que ça pourrait très bien marcher. Pour les films de vilains, par contre, ils pourraient gagner en popularité. Ah, bah là, ouais, largement. Ils ont un truc à. Puis, ouais, si Mandalorian, moi j'ai regardé les deux premiers épisodes, ça m'a plu. J'ai pas encore regardé le premier. En fait, j'aime bien Star Wars, mais je suis pas fan. C'est pourquoi les épisodes de la série Star Wars sont-ils si courts? Ils sont pas si courts, hein, ils font 45 minutes. Ouais, c'est la durée. D'ailleurs, il y a le. Presque standard d'un épisode. Tout le monde attend qu'un épisode dure une heure. Ouais. Ouais. C'est pas du Game of Thrones, hein. Non, voilà. C'est pas du Watchmen. Non plus. Mais il y a le jeu qui est sorti récemment. Oui, c'est The Fallen Order, je crois. Ouais. Qui promet d'être. Enfin, j'y ai pas qui peu, promet, mais il promet d'être pas mal. Faut que j'y joue aussi. Ouais. C'est encore un autre jeu auquel je dois jouer. Il y a trop de jeux à jouer. Ouais, non, mais franchement. On pourra jamais tous les présenter dans Peck Avenger. Non. Vous êtes déjà content de ce qu'on vous présente, j'espère. Ouais, bah oui, moi je suis très content. Puis au final, j'ai peut-être des jeux pour la semaine prochaine. Allez, si j'arrive à trouver un jeu sympa, peut-être que si vous voulez de moi, je reviendrai. Peut-être, je sais pas. Tu pourras rencontrer Marguerite. Peut-être. C'est Avion. Je sais pas. Ouais, normalement, je crois qu'il y a Avion. Marguerite, Rita, elle va pas vouloir venir. Mathilde. Non, Marguerite, plus gentil. Mais du coup, alors, c'est Mathilde ou Marguerite? Marguerite. Là, c'est... Non, c'est... en vrai, c'est Mathilde. Ouais, mais son nom de radio, c'est Marguerite, non? Ouais. Ouais. Après, oui. Son nom partout. Du coup, t'as niqué sa couverture. Non, mais c'était pas une couverture, c'est juste moi qui ai fait comment dire, un lapsus la première fois que j'ai rencontré. Ouais. En fait, elle était avec une autre fille que je connaissais, que j'appelle Huawei parce que ça apporte un nom compliqué, elle aussi. Non, du c'est coup, Aurélie. Non, son pseudo. Ah, oui. Aurélie n'a que 16 ans, il est là pour commence par 2W et tout non. ça. Non, non, non. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Est-ce que tu m'entends? Ah, t'étais pas prêt. Oh non! C'était pas le bon. T'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour cette la merde. Tête, c'était pas le bon. J'ai, mon cartouché est-ce a changé. Est-ce que tu m'entends? Est-ce, est-ce que tu me sens? Et oh oh oh, je suis profond. Je voilà. C'est ça que je voulais faire de base. Bon. Non, elle porte un nom compliqué, un pseudo avec 2W et tout ça au début. 2W et ainsi de suite. Donc je l'appelle Huawei, c'est plus simple. Et en fait, elle était avec cette fameuse Mathilde. Et je dis, ouais, en fait, t'es avec Marguerite. Parce que je me rappelle plus de son vrai nom, en fait. Du coup, je l'ai appelée Marguerite et c'est resté. T'aurais pu l'appeler Ginette, limite. Hein. J'en aurais plus, mais je savais que ça commençait par Ma. Donc, je me suis dit, Marjolaine. Marguerite. C'est bon. Et sur le tableau des signatures, parce que bien sûr, si vous venez un jour, si vous avez la chance que dis-je, de venir à Indestar, vous verrez qu'il y a un gros tableau, enfin un grand tableau blanc avec des signatures de tout le monde. Tous les gens qui sont passés une fois au moins à Indestar ont signé, ont mis un dessin, ont mis ce qu'ils veulent sur le tableau. D'ailleurs, tu parlais de nous laisser des traces de pneus. en off, on va nous laisser des belles traces de pneus personnels. Voilà. Ismaël, on veut pas avoir les détails. Et il se trouve que Marguerite est écrit Marguerite sur le tableau. Elle a laissé des traces aussi. Et c'est elle-même qui l'a écrit, je ne l'ai point forcé. D'accord. Elle s'est appelée Sainte Marguerite de Lompré à cause d'une bouteille d'eau minérale qui s'appelle comme ça. Pour ok, la pas de souci. Voilà. Bon. D'autres actus? Non. Non, c'est pas grave. Bon, bah, non, ça va être l'actu dodo. Ouais. C'est ça. C'est l'actu repos pour une semaine. Actu, nous allons partir. Voilà. Donc oui. C'est pas vraiment une actu parce l'émission qu'il est quand même, touche à sa fin. Enfin. Est, bah, ouais, on s'est pas loupé. Hein, il est 28h48. Il est 28h. On s'est égaré dans la 25e. 23h48. Pardon. Teddy, il est temps que t'aies de bouger. Ouais. Il a 48h23 là. Ouais, c'est ça, mais le pire, c'est que je vais même pas aller me coucher, je vais aller geeker. Ah, bravo! Ma Switch me manque là, les Pokémon. J'espère me manquent. Non, mais le mec bosse pas demain. Hein? J'espère que tu l'as rechargé pour pas avoir la frustration. Ouais, t'inquiète. Ah, bah là, j'ai pas beaucoup d'organisation, hein, mais pour ce qui est des jeux, je peux te dire que y a pas plus organisé. Hein. Quand j'allais chasser le Pokémon, j'avais un chargeur nomade et tout, je l'ai rechargé. Un truc de ouf. Hein. Oh, quel homme. Ouais. Bon. J'espère que cette émission vous aura plu. Sûr, dites-nous merde. Voilà, c'était pour signer la fin de l'émission. Je rigole. Non, je veux bien. Et ben voilà, et ben on vous dit à jeudi prochain. N'oubliez pas de. Il nous faut vraiment ce truc là dans la boîte. Ouais. Ah, il nous faut Donny Brodia. Il nous faut des sons. C'est vrai qu'on manque de sons. Que se passera-t-il la semaine prochaine dans les PK Avengers? À savoir la semaine prochaine. Exactement. On sait, vous savez déjà qui a le parent. Voilà, c'est tout ce que vous saurez. Voilà. Et des bisous. Et ouais. Des bisous, évidemment. Des bisous, comme dit Clément. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.